pratiquement jeu égal. Au premier tour, on donne 12 points d'avance pour Alain Juppé. Cet écart est encore plus important. Il est même spectaculaire au second tour. Il est de 22 points. Les électeurs de Bruno Le Maire et de François Fillon, dans l'hypothèse où il serait éliminé au premier tour, se reportent massivement en faveur d'Alain Juppé et bien moins en faveur de Nicolas Sarkozy. Stéphane Zumsteg avec Martin Baudrero. C'est aujourd'hui le retour de la manif pour tous. Deux ans qu'il ne s'était pas montré. Aujourd'hui, il dénonce la GPA, la casse de la politique familiale et la menace sur la liberté, les libertés éducatives, disent-ils, et ils comptent bien se faire entendre durant la campagne présidentielle. La présidentielle aux États-Unis cette fois-ci, et un Donald Trump toujours aussi offensif malgré les révélations graveleuses qui s'accumulent autour de son comportement avec les femmes. Hier, il était à la tribune dans le New Hampshire et reprend son refrain préféré, le complot médiatique. Hillary Clinton est candidate pour être présidente dans ce qui ressemble à une élection truquée. It looks to me like a rigged election. Pour moi, c'est une élection truquée. The election is being rigged by corrupt. L'élection, elle est truquée par des médias corrompus qui mettent en avant des allégations complètement fausses et des mensonges éhontés afin de la faire élire. In an effort to elect her president. Voilà Donald Trump qui était donc en meeting hier dans le New Hampshire. En France, le dossier Notre-Dame-des-Landes et Ségolène Royal qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat ce matin dans le journal du dimanche. Il vaut mieux arrêter les frais, dit la ministre de l'écologie, envisageant même l'aménagement de l'actuel aéroport de Nantes. Le plus grand concessionnaire de France ferme ses portes aujourd'hui, le salon de l'auto, et un cru 2016 à oublier, ou presque. Clément Fraioli, la foule, ne s'est pas vraiment présentée à la porte de Versailles. Avec son blouson aux couleurs de la marque Renault, Philippe n'a pas manqué un mondial de l'automobile depuis 20 ans. Et cette année, il a vu une différence avec les éditions précédentes. Il y a moins de monde, mais puis il y a moins d'exposants. Une baisse de fréquentation qui s'explique surtout par la peur des attentats, selon lui. Une crainte que Philippe a ressentie dans sa petite commune, près de Rouen. Je suis adjoint au maire et d'habitude, je fais le mondial de l'automobile en quart pour ma commune. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais passé l'inscrit. Ils sont très réticents à aller où c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais moins de visiteurs ne veut pas forcément dire moins d'acheteurs, comme a pu le constater Claire Charpentier, responsable du stand Peugeot. On a déjà dépassé les 1000 commandes, donc on fait 50% de plus que déjà qu'en 2014. Donc moi j'ai en tout cas l'impression que les visiteurs sont plus qualifiés et qu'ils viennent là pour acheter. Alors simple curieux ou acheteur potentiel, il vous reste jusqu'à ce soir 20h avant que le mondial de l'automobile ne ferme ses portes. Le reportage de Clément Fraioli, 8h05 sur RMC. 2-1, victoire dans la douleur, mais victoire quand même. Le PSG respire un peu. Les Parisiens sont allés battre Nancy hier, 9e journée de Ligue 1. Et le défenseur Thomas Meunier est soulagé. Ma foi, un peu de réussite sur les deux buts. Mais bon, des fois, il en faut. Et quand ça tourne comme ça, on se dit que rien ne peut nous échapper. Et maintenant, on a affronté une très bonne équipe de Nancy qui était vraiment motivée à l'idée de faire un résultat. Face à Paris, c'est toujours prestigieux, entre guillemets. Voilà, les trois points plus importants, on a géré ça, même si ça fait peur à quelques occasions. Mais pour le reste, on a agi avec maturité. On a contrôlé la rencontre. Et les autres résultats d'hier, des victoires 2-1 également de Nantes face à Lorient. Lorient et Angers face à Bastia, Guingamp-Lille 1-0, 3-2 pour Montpellier face à Caen, la suite aujourd'hui, avec notamment Clotus ce soir, Marseille qui reçoit Metz. Et puis ce matin, si on allait à l'autre bout du monde pour vous parler football. Et oui, direction la Thaïlande, parce que là-bas, la mort du roi, cette semaine, a traumatisé tout le pays, et le gouvernement a donc décidé, purement et simplement, d'arrêter le championnat de football, alors qu'il reste 5 journées à jouer, Camille Gilpi. Surtout deux clubs qui se retrouvent relégués en deuxième division alors qu'ils avaient encore une chance de se sauver d'ici la fin de la saison. Le français Florent Sinamapongol est expatrié depuis quelques mois dans un de ces deux clubs, justement, le Chainat FC. Hier, il a reçu un message qui lui annonçait qu'il était en repos jusqu'au 20 février. Repos forcé par le deuil national. Un deuil qui a plongé le pays entier dans une profonde tristesse. Le joueur français décrit une ambiance lourde, pesante, des habitants en pleurs, une télé qui diffuse en boucle des reportages en noir et blanc sur le roi. Pourtant, le championnat pourrait peut-être continuer car devant la colère des supporters et des dirigeants de club, le gouvernement a finalement ouvert la porte à une reprise du championnat. Reste à la fédération thaïlandaise de valider cette requête. Elle donnera sa réponse demain. Le rugby est pour un mauvais départ, c'est un mauvais départ. Quatre clubs français engagés en Coupe d'Europe hier, ils ont tous perdu. Montpellier, Castres, Toulouse et Toulon ont chuté. Pour Toulon, c'était face aux champions en titre, les Saracens. Alors, cette fois-ci, Mourad Boudjelal garde son calme. Mais c'est une déception, bien sûr, c'est une déception, mais on n'est pas éliminé pour autant. Voilà. On sait qu'il faut 20 points. On a un peu d'expérience, cette compétition, c'est dommage qu'on n'en prenne pas. Il faut 20 points pour espérer être meilleur second, mais il faut aller chercher 20 points, hein, je veux dire, point bas. Dans la vie, il y a des trucs qu'on ne se demande pas comment on va faire, on le fait et puis c'est tout. La ligne d'arrivée d'une saison cycliste, c'est aujourd'hui et c'est au Qatar. La course homme cet après-midi, épreuve plutôt plate, donc dévolue aux sprinteurs. Et dans ce domaine, on a deux rivaux en bleu, Georges Quirino. Ils sont les meilleurs sprinteurs français depuis 5 ans maintenant. Nasser Bouhanni et Arnaud Démare évoluaient encore dans la même équipe il y a 2 ans. Le premier avait dû partir car la cohabitation était devenue trop compliquée. Et chez les Bleus, Nasser Bouhanni. Ça se passe bien, on mange ensemble. On est allé voir la course des espoirs ensemble dans la même chambre. Tout se passe bien. Le débat, c'est pas Démare Bouhanni, c'est d'avoir un Français champion du monde. Les deux coureurs auront 3 de leurs équipiers habituels. De quoi penser que l'équipe pourrait être coupée en deux? Pas du tout, assure le sélectionneur Bernard Bourreau. Si un poisson pilote de Nasser se trouve avec Arnaud, qu'il soit à 300 mètres, il ne faut pas qu'il se retourne pour chercher. Au Nasser pour qu'il emmène le sprint. Les ennemis de l'année doivent donc devenir les amis d'un jour, mais Arnaud Démare le reconnaît. Dans le final, il n'aidera pas son rival. C'est clair que Nasser fera son sprint et moi je ferai mon sprint. Alors on verra après la course si c'était une bonne idée de prendre deux leaders, prévient tout de même Nasser Bouhanni. Il faudra surtout battre tout à l'heure les meilleurs sprinteurs du monde. Voilà, et la course sera su cet après-midi sur RMC 8h09. François Sorel, les courses pour terminer. Avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Chantilly. Bravo. Et Sébastien Arras nous conseille de retenir le 4 Grand Jeté et le 15 Siaka. Vous fait rire, hein, le Grand Jeté. Hein. Allez-y, sortez votre blague, Jean-Luc. Non, j'en ai pas. Bon, d'accord. Attends, vous me faites passer pour qui? Non, je ne sais pas. Brahim Asloum est assez confiant avec le 2 Zarose et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As Magari et le 14 Enchop. Le 4, le 15, le 2, l'As et le 14. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant, nous sommes là sur RMC pour notre rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau. Toute l'actualité liée à l'automobile. L'essai de la semaine, c'est la Peugeot 3008, véhicule très attendu. Et puis bien sûr, toutes vos questions auto au 32-16. Vous restez là, on est là. Pof, dans quelques secondes. À tout de suite. RMC. Samy, j'en fais des tonnes, qui nous parle de sa victoire au nouveau boost ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le boost ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Top ! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, vous n'avez plus qu'une semaine pour profiter des 30 jours de l'expert. Exemple, Feu Vert offre moins 30% sur un autoradio Bluetooth Pioneer et jusqu'à 6 mois d'abonnement 10 heures sur une sélection d'autoradios. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Du 8 au 18 octobre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit, c'est acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Quand ça klaxonne, Jean-Luc Moreau n'est jamais trop loin. Bonjour Monsieur Moreau, Jean-Luc. Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous êtes en double fil, vous avez vu en bas. C'est vrai. Ah, ouais. Et vous êtes en W. Ça n'existe plus les plaques W. Si, W Garage. Ah bah oui, W Garage. Voilà, bah, vous voyez, je pensais que ma blague était nulle, mais finalement elle est bien. Enfin elle est bien, faut pas exagérer quand même. Bon, Jean-Luc Moreau. Oui, vous avez quand même des petites poches sous les yeux. Mais je me mets à votre place. Deux semaines, plus de deux semaines de Mondial de l'Auto, ça doit commencer quand même un peu à fatiguer là, non? Alors j'étais pas que au Mondial de l'Auto, parce qu'en début de semaine j'étais en Italie pour les essais du Peugeot 3008 du côté de Bologne. Oui. Il faisait pas beau, je vous rassure. Il faisait pas beau. Pas des vacances. Les pâtes étaient bonnes. J'ai même pas mangé de pâtes, j'ai pas eu le temps. C'est dingue ça. J'ai pas eu le temps. Par contre, c'est vraiment. Alors, est-ce que je le dis maintenant comme non, ça, on fait du teasing trop. N'en dites pas trop. Mais dites, en revanche, voilà. Vous pouvez dire que alors, c'est un de la des semaine. Modèles les plus attendus, parce que figurez-vous que dans les recherches sur Google depuis la semaine avant le Mondial de l'Auto, depuis 3 semaines, donc le Peugeot 3008 arrive très largement en tête des demandes des internautes. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie attente sur cette voiture. Qu'est-ce qu'elle vaut? C'est vous l'avez essayé, donc en Italie, vous alors nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Alors on prend deux volets, parce que ça mérite vraiment deux volets. D'accord. Aujourd'hui, on parle de la version essence 1 litre 2 PureTech 130 chevaux. La semaine prochaine, on parlera du diesel. Comment redonner l'éclat du neuf à ces pneumatiques? Comment les relifter en quelque sorte? Eh bien, Jean-Luc nous dira tout ça dans notre bon plan auto. Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous dédié à la voiture, vous le savez, entre 9 et 10, nous aurons notre avocat préféré, Maître Rémi Jossomme, qui sera là et qui va peut-être vous faire économiser quelques points sur votre permis de conduire. Vous en faire perdre. J'espère que mais non, le mais pauvre. Vous savez que cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est passé pratiquement inaperçu, mais a été voté la loi sur la modernisation de la justice du 21e siècle. Alors tous les juristes disent ça ne modernise rien, c'est encore pire qu'avant, c'est un nouveau carcan. Et vous allez voir, en particulier pour ceux qui roulent avec des voitures de société, restez avec nous, ça devient un peu touchy, c'est chaud. D'accord. Et puis on évoquera avec Nissan le label VO électrique, car maintenant on commence à avoir de plus en plus de véhicules d'occasion électriques. Exactement, des voitures électriques d'occasion, donc il faut bien faire un label VO. Qu'est-ce qu'on vérifie avant de donner ce label? Et bien on saura tout ça tout à l'heure avec Nissan. Et puis pour finir, on aura l'actualité de la semaine avec Automoto, avec quand même un petit scoop, bientôt une Tesla Y. Oui, aïe, aïe. Eh oui. D'accord. C'est autre chose que la Model 3 qui devrait sortir l'année prochaine. Exactement, Tesla Y. On en parle tout à l'heure. Voilà, vous l'avez vu, 2 heures dédiées à l'automobile, ça va être passionnant avec vos questions, bien évidemment, car vous pouvez interagir avec Jean-Luc et poser toutes vos questions dès maintenant. 3216 ou auto@rmc.fr. Soyez les bienvenus. On accueille Eddy pour débuter, notre pâtissier préféré. Ah, j'adore commencer une émission avec notre pâtissier. Bonjour Eddy. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour Eddy. Bonjour à toute l'équipe. Alors, moi, c'est bien d'avoir le pâtissier, mais les croissants, ça aurait été bien aussi, hein, François. Vous êtes où, Eddy? Je suis en Saône-et-Loire, à Blanc. Ah ouais, ça va faire loin, ils vont être froids, les gars. Ils auront le temps de refroidir. En arrivant, ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est prévu, c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien monter vous voir, vous amener les petits croissants tout chauds, pourquoi pas. On vous fait la hola, hein, là, si vous venez comme ça. Vous prenez par les sentiments. On fait la hola dans le studio quand vous arrivez avec les croissants, hein, Eddy. Là, on s'engage, on filme ça, on mettra ça sur Facebook et Twitter. Et vous avez dit exactement, vous êtes à quel endroit, Eddy? C'est à Blandy, c'est pas très loin de Chalon-sur-Saône, Paray-Monial. Ah ouais, donc ça fait deux bonnes heures de route, trois heures presque. Ouais, c'est je pense que je suis à trois quarts d'heure, parce que l'avantage, c'est que je suis à 5 minutes de la gare TGV, donc après en TGV, on est vite arrivé. Bon, Eddy, alors qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-nous. Alors, pour moi, jusqu'à maintenant, j'avais deux trains de pneus, deux séries. J'avais des pneus été, des pneus hiver, j'avais des jantes pour chaque. Et j'en avais un petit peu marre de les changer, et je m'intéressais un peu aux pneus Michelin, les Cross Climat. Michelin, c'est une marque, vous savez, c'est une marque étrangère, hein, donc faut dire Cross Climat. Ouais, ça fait mieux. Ouais. Et je voulais avoir un petit peu votre avis, parce que j'ai vu pas mal de positifs, mais comme tout ce qui est trop bien, des fois, ça cache de mauvaises surprises. Alors, j'aurais aimé votre avis. Alors, vous savez, même Michelin peut pas faire de miracle, hein. Un pneu qui est censé être bon partout, en fait, on peut considérer qu'il est mauvais partout. Ça reste un compromis. Alors, c'est vrai que le Cross Climat, c'est un pneu été qui a été homologué pour l'hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... non, ça veut dire que... C'est un pneu hiver que vous utilisez que l'été. Ouais, ça veut dire qu'il peut rouler effectivement un peu dans la neige, qu'il est moins mauvais qu'un pneu été dans la neige, mais il sera moins bon qu'un pneu été l'été, en matière de tenue de route, en matière de freinage, en matière d'usure, parce qu'il va s'user plus vite, et il sera moins bon qu'un pneu hiver l'hiver, parce que dans la neige, même s'il offre un bon freinage et une bonne traction, c'est-à-dire en longitudinal, il a du grip, en latéral, il en a pas. Ça veut dire que dans les virages, il restera quand même beaucoup plus médiocre qu'un vrai pneu hiver. D'accord. Alors, c'est bien dans les régions humides, plates, où il peut y avoir épisodiquement de la neige. Dans les régions où réellement vous avez plus de 15 jours de neige par an, il vaut mieux faire ce que vous faisiez, même si c'est pénible, c'est d'avoir des pneus été et des pneus hiver. D'ailleurs, au final, c'est plus rentable. Pourquoi? Parce que l'été, les pneus été, ils s'usent moins vite que votre Cross Climat. Et l'hiver, votre pneu hiver, il est quand même plus adapté. Donc moi, je serais vous, même si c'est contraignant, la bonne solution pour pouvoir circuler. En plus, comme vous êtes pâtissier, vous devez vous lever tôt le matin. Et c'est vrai que les déneigeuses, quand il neige, sont pas forcément passées. Vous serez plus en sécurité avec des pneus hiver qu'avec des Cross Climat. Le Cross Climat, c'est vraiment, c'est pour de l'épisodique. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, Eddy. Alors, vous vouliez témoigner aussi ce matin. Oui, si je peux me permettre. Mais allez-y. On entend souvent des personnes qui se plaignent du service après-vente des concessionnaires, des marques. Et moi, j'ai eu un petit peu le contraire. On était très bien reçus par Citroën, parce qu'on avait acheté un véhicule Citroën dans un garage Renault, ce qui n'était pas bien. Et on a eu un problème avec le véhicule, et finalement, c'est peut-être un problème Renault, mais Citroën a quand même bien joué le jeu. On a M. Goncalves, qui était responsable de nous du service après-vente, qui s'est arrangé pour nous prêter un véhicule, qui nous ont fait une très bonne offre commerciale pour pouvoir racheter un véhicule chez eux. Et, et puis voilà, je trouvais qu'ils ont été vraiment sympas, parce que c'était pas de leur faute à la base du tout. Et ils ont été bien coopératifs. Donc c'était bon, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est dire. Cool ce que vous dites, parce que ouais, ça redore général, un petit peu l'image. Voilà. En général, vendeurs de voitures qui, quand on en parle général, de garagistes, nous, ouais, ici, ouais, c'est toujours pour dire du mal. Mais là, quand, ben voilà. Mais il y en a des biens, hein, c'est comme partout. Hein. Ben, c'est vrai qu'on entend souvent les marques Premium, Audi, qui ont, ils se plaignent souvent à la radio, j'entends, et qui jouent pas le jeu et tout. Et voilà, une petite marque française qui n'est pas classée Premium, on peut dire. Eux, au contraire, ils jouent vraiment bien le jeu et je trouvais ça sympa. Bon, bah, écoutez, très bien. Merci, Eddy. Le message est passé, Eddy. Bon, voilà. On vous laisse. On attend les croissants et puis, on vous laisse changer vos roues parce que là, ça va être la saison, hein, pour mettre les pneus hiver. À bientôt, Eddy. Merci. Bonne journée, bon courage, au revoir. Et oui, Eddy qui, vu son métier, doit avoir du pain sur la planche. Ah ouais, elle est drôle, celle-là. Allez, on revient dans un instant. Vous prenez de la brioche un peu aussi, j'avais remarqué. C'est pas beau. 8h19, c'était RMC, à tout de suite. RMC, 8h10. Votre auto. Jacques Attali face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Jacques Attali. RMC, Bourdin direct, 6h-10h. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture soutenu par EasyPack à partir de 189€ par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant. Voir Renault.fr. France 3 lance Opération Élysée, le premier feuilleton de la campagne présidentielle. Franz-Olivier Gisbert et ses équipes vous en dévoilent les coulisses et accompagnent chaque mois les candidats sur le terrain. Opération Élysée, premier épisode « Y a-t-il un président pour sauver la France ?» demain à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Bonjour patronne. Bonjour Pierrot, alors ce dos? Oh, j'en suis au point de laisser mon voisin s'entraîner au massage sur moi. Oh. Bah oui. D'ailleurs, il me parlait de coaching santé. Notre mutuelle n'aurait pas ça par hasard? Du coaching santé? Oui. Tu sais, les trucs d'Américains, moi. Et puis t'as des voisins sur qui compter, c'est formidable. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Pierrot aurait pu profiter d'un coaching santé personnalisé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. C'est 8h22, le retour du week-end des experts, l'automobile avec Jean-Luc Moreau et vos questions au 32-16 ou bien auto@rmc.fr. Et avant de retrouver la météo et les infos de 8h30, on accueille David. Bonjour David. Oui, bonjour François, bonjour Jean-Luc. Bonjour David. Welcome David. On vous écoute. Merci. Ouais, je vous appelle pour avoir un conseil. Voilà, je suis actuellement le propriétaire d'un Charente TDI 140. Je fais à peu près 15 000 km par an avec. Et j'envisage de changer de voiture pour passer sur une catégorie supérieure. C'est-à-dire partir sur un multivan ou quelque chose d'équivalent. Vous avez besoin de place, alors vous faites du transport de danseuses, c'est ça, comme François? Non, d'enfants et d'animaux. Nous sommes 6 dans la famille avec deux chiens. Donc dès que nous mettons tout le monde dans la voiture, c'est compliqué il faut de la place, des bagages en plus. Effectivement. Voilà, c'est... Exactement. Donc voilà, ma question en fait, c'est au vu du nombre de kilomètres que je fais tous les ans avec cette voiture, je me demandais s'il n'était pas intéressant de partir sur un multivan essence et de le passer, pourquoi pas, au bioéthanol. Donc 15 000 km par an. 15 000 km. Alors c'est vrai, alors ça dépend quel type de trajet vous faites. Si vous faites 15 000 km d'une traite, pour que vous partez en vacances, par exemple, je ne sais pas où. On ne peut pas faire 15 000 km d'une traite. Bah si, si vous partez en vacances au Turquie. Donc il roule 15 000 km d'un coup. Ah bah oui. Enfin, ah oui. Il fait 7500 aller, 7500 retour. Ah ouais. Si nous, on fait ça. Vous partez en vacances en Inde. C'est pratique d'aller comme ça. Après, vous laissez votre voiture dans le garage. Vous partez en vacances en Inde et hop, 7500 et retour. C'est vite fait. Bah oui. Mmh. Ouais. Alors non, ça dépend effectivement du type de trajet que vous faites. Si vous faites un kilomètre le matin et un kilomètre le soir, bon, ça fera pas 15 000 km par an d'ailleurs. Mais si vous faites des petits trajets et que vous faites beaucoup de villes, évidemment le diesel là, ça va poser un problème. C'est vous faites quoi comme type de trajet? Non, c'est en fait on s'en sert surtout quand on est tous ensemble sur des. Alors ça peut être des petits trajets, mais en général c'est plutôt pour faire autoroute. D'accord. Bon bah alors ça peut avoir du sens de rester en diesel même en faisant 15 000 km par an. Pourquoi? D'accord. Parce que dans votre cas, si vous faites de l'autoroute, c'est le diesel qui va être le plus intéressant en termes de consommation. Et puis, surtout, parce que si vous roulez chargé, un moteur diesel avec du couple, ça va être quand même mieux qu'un moteur essence qu'on aura un petit peu moins. Voilà. Donc, dans votre cas, moi, je resterais sur un véhicule diesel. D'autant, alors là, il y a un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que à la revente, là, pour le coup, sur ce type de véhicule-là, quand on commence à arriver sur des gros véhicules, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un moteur diesel que d'avoir un moteur essence qui va être beaucoup plus énergivore. Voilà. Même en le passant à l'éthanol, franchement, ça sera plus intéressant de rouler avec un diesel. Tiens, c'est rare que vous disiez ça. Ben oui, mais parce que David nous dit, voilà, on roule en famille, donc chargé. Ça, c'est la première chose. Le multivan, c'est quand même, c'est comme un gros utilitaire. C'est une grosse voiture. Il fait principalement des trajets autoroutiers. Mm-hmm. Le diesel, ça a du sens. Même à 15 000 km par an. D'accord. Voilà, David. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Un peu déçu, j'aurais préféré partir sur de l'essence. Mais bon, je comprends. Moi aussi, j'aurais préféré que vous partiez sur l'essence, mais après, bon, vous savez. Vous pouvez pas m'accuser de vous vendre ce qui va pas, quoi. La parole de Jean-Luc, est d'or, donc, voilà. Absolument. Mais c'est vrai qu'on est un peu borderline quand même, on est d'accord, Jean-Luc. Si on se polarisait que sur le kilométrage, effectivement, le diesel n'a pas de rentabilité, mais tout dépend du type de trajet que vous faites. Voilà, comme si vous roulez avec beaucoup de monde à bord et que vous faites de l'autoroute, le différentiel de conso entre du diesel et de l'essence, il va être énorme. Donc là, quelque part, vous ne rentabiliserez jamais l'économie que vous avez fait avec l'achat d'un modèle essence, puisque le modèle essence, l'intérêt, c'est qu'évidemment, il est moins cher à l'achat. Merci David. Jean-Luc, il est 8h25, on va revenir dans un instant. L'essai de la semaine est énorme. Énorme, il fait 4,45 m. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui. C'est quand même. Si vous devez le mettre dans votre salle de bain. S'il faut une grande salle de bain. Ouais. La Peugeot 3008, véhicule très attendu. Vous êtes très nombreux à vous demander si ce véhicule vaut la peine. Jean-Luc, va faire comme la 308 dans sa catégorie? Parce que la 308 est arrivée et elle a fait oublier toutes les concurrentes, y compris la Golf quand même. Voilà. J'allais dire tour de magie, mais c'est pas un tour de magie. Mais c'est un comment, voilà. Bon, écoutez, je cherche les mots on en reparle tout à l'heure. Je redémarre Jean-Luc pendant la pub parce que je sais où est le bouton pour le redémarrer et je pense que ça ira mieux parce qu'il est sous Windows XP, donc c'est un vieux Windows. 95 encore. Voilà, c'est ça. Et on revient après la météo, les infos. Non, parce que XP ça marchait bien. Hein. La météo avec c'est Valentin Mailloux qui n'a rien à voir, mais qui lui est sous Mac et il marche super bien. Lui, vous allez voir, ça dépote. Allez, à tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Demain, je vous retrouve sur RMC avec plaisir dès 15h pour 100% Bachelot. Nous évoquerons un sujet fort d'actualité ensemble, nous en débattrons et nous chercherons des solutions. Opinion, conviction, solution, c'est 100% Bachelot. Je compte sur vous demain dès 15h sur RMC. Roselyne Bachelot, demain à 15h dans 100% Bachelot sur RMC. Allô ma belle, devine où je suis. Ah, ton nouveau cours de yoga. Non. Séance de shiatsu. Non, toujours pas. Bon, écoute, il y a des Opel partout et des offres exceptionnelles à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Oh, je sais, le mondial de l'auto. Presque. Le salon de l'auto. Non plus. Oh, bon, je sais. Chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 €. Oui, 7 690 €, avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. attention. Le lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2000 euros d'achat, 200 euros vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre à son grand dam dut consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Store! Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin. Ce soir à 20h50 sur RMC Découvert, les enchères font leur show. Paul Brown et son équipe dénichent les objets les plus collecteurs. Et leurs ventes aux enchères sont un véritable phénomène. Les rois des enchères, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction. Canal 24. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 108 Style, la citadine compacte, avec climatisation, radio Bluetooth et projecteur anti-brouillard, à un prix très compact. Pendant les immanquables Peugeot, la 108 Style est à partir de 99 euros par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. La météo de ce dimanche avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Et toujours des averses sur le nord-ouest en ce dimanche. Il pleut d'ailleurs en ce moment sur la Bretagne et ces averses vont gagner les Pays de la Loire, la Normandie, les côtes du nord au fil de la matinée. Elles sont accompagnées par le vent qui souffle en rafale jusqu'à 60 km/h. Le ciel est bien plus dégagé ailleurs, des frontières belges aux Pyrénées et sur la région PACA. Le soleil même voilé est bien présent. À noter quand même localement encore des bandes brouillard ce matin, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Cet après-midi, c'est un peu la même photographie, le nord-ouest sous les averses et puis le soleil sur une bonne partie du pays. Le vent pourra quand même amener des nuages et localement des averses sur le golfe du Lion. Les températures cet après-midi, elles sont en hausse et au-dessus des normales de saison. 17 degrés à Brest et Cherbourg, 18 à Nantes et Strasbourg, 19 pour Lille et Reims, 20 degrés à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 pour Bourges et Nice, 22 degrés à Marseille, Bordeaux et Toulouse et 23 degrés à Ajaccio et Biarritz. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. RMC, il est 8h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Dramatique accident à Angers cette nuit. Il était 23h30 quand un balcon s'est effondré en plein centre-ville. Un balcon situé au troisième étage d'un immeuble. 4 personnes sont décédées, 11 sont blessées, dont l'une en état d'urgence absolue. Le plan blanc a été déclenché sur place, 70 pompiers mobilisés. C'est un autre accident dramatique. C'était début août à Rouen, l'incendie dans un bar de la ville. 14 personnes y avaient perdu la vie. La mairie a décidé de prendre les choses en main et prononcé hier la fermeture de 10 bars, mesures de sécurité, aucun n'était aux normes. La politique ce matin, sondage RMC BFM TV, sondage 3 jours après le débat entre les candidats de la primaire de droite. Et il n'y a pas photo, Alain Juppé creuse l'écart, 42% des intentions de vote, Nicolas Sarkozy est à 30%. Longue, très longue interview dans le magazine Challenge ce matin, Emmanuel Macron pose les bases de sa candidature à la présidentielle, détaillant sa vision de la fonction, un président normal, c'est une erreur, tacle Leclerc adressé à François Hollande. C'est aujourd'hui le retour de la manif pour tous, 2 ans qu'il ne s'était pas montré. Aujourd'hui, il dénonce la GPA, la casse de la politique familiale, disent-ils. Il compte bien se faire entendre durant la campagne présidentielle. Les sports, le football, le PSG qui ne brille pas mais qui gagne. 2-1 face à Nancy, 9e journée de Ligue 1, même score pour Nantes face à Lorient et pour Angers à Bastia. Guingamp bat Lille 1-0, 3-2 pour Montpellier face à Caen. Et puis le rugby, la Coupe d'Europe, samedi cauchemar pour les clubs français. 4 clubs engagés, 4 défaites pour Toulon, Montpellier, Castres et Toulouse. 8h31 sur RMC. Votre auto, vous êtes avec Jean-Luc Moreau et François Sorel, messieurs. Merci beaucoup Thomas Chupin. Rappelons à tous nos auditeurs, quel véhicule vous avez Thomas? Alors, aujourd'hui je suis en Qashqai, pas Toyota, Nissan. Ah oui. La Bravo, elle est partie depuis bien longtemps. Elle est Bravo. Hein. Oui, la Fiat. Parce que nous, on était restés sur ce grand moment quand même, hein, la Fiat Bravo. Ah oui, je dis Bravo. Ouais. Bon, la Fiat Bravo, elle a fini avec les roues de travers, donc bon, ben voilà. Elle a fini avec les roues de travers. Elle a pris vous savez, un truc, quoi, j'allais dire le mot un peu en granit, là, au sol. Ah oui. On appelle ça une. Oui. Une espèce de parapet, là, quoi. Un truc voilà, comme ça. C'est ça. Qui traversait incidemment, d'ailleurs. Oui, oui, bah oui. Mais elle m'a sauté dessus. Donc, alors, peut-être que alors vous avez un Qashqai, mais peut-être avez-vous envie bientôt de changer de véhicule. Vous savez qu'il y a le Peugeot 3008 qui a été annoncé. Jean-Luc l'a testé, il va nous en dire si j'ai dans un instant. Ça. Peugeot m'a donné des bons commandes, donc on va faire le tour de la rédaction tout à l'heure. Très bien. Puis je vous rappelle qu'au rayon surgelé, les steaks hachés sont en promotion en ce dimanche matin. Et oui, votre supermarché est ouvert exceptionnellement jusqu'à 13h. A tout de suite. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps. Bon, Jean-Luc, on plaisante, on rigole, mais quand il y a la question flash, là, on fait moins le malin. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Jacques. Que pensez-vous des nouveaux boosters de batterie miniature, Jean-Luc ? Eh oui, les boosters. Ah, vous savez ce que c'est qu'un booster de batterie ? C'est pour démarrer vous la voiture. Vous êtes jamais arrivé un matin de mettre la clé dans le contact et ça fait rin, rin, rin. Ah oui, vous le faites et bien. Et là, vous dites, ah, zut. Et donc, il existe alors, des petits booster, machins. Voilà. Alors, avant, c'est une valise qui faisait environ 10 kilos. Ah oui. Et bon, il y a des câbles qui sont sur cette valise. Il y a une batterie interne. On l'a branché sur la batterie de sa voiture et boum, ça part. Et voilà, et ça démarrait. Alors, il y a eu un progrès considérable puisque, à l'inverse de nous, les boosters de batterie sont passés de 10 kg à 1 kg. Vous voyez un peu le problème. Ah, c'est mieux. Le progrès, c'est 10 fois moins lourd. Merci le lithium. Exactement, c'est exactement ça. C'est la technologie qu'on a dans nos téléphones portables, nos ordinateurs, qui est arrivée. Alors peut-être qu'un jour, ça existe déjà pour les véhicules de compétition, on aura des batteries. Les batteries 12 volts de nos voitures seront des batteries au lithium. Là, ce sont des batteries au lithium. Ça a permis de gagner beaucoup de poids. Ça a permis de gagner beaucoup de place également, puisque vous pouvez garder ce booster dans votre boîte à gants, alors qu'avant, c'était absolument impossible. Les tarifs, en plus, n'ont pas franchement augmenté. C'est légèrement plus cher. C'est 10 à 15 euros plus cher qu'un booster avec une batterie au plomb. Donc, c'est aux alentours de 100 euros. Et l'intérêt également, c'est que la longévité de ces batteries lithium est plus importante que celle des batteries plomb avant. Donc, c'est un investissement que vous faites pour... D'accord. Si vous ne faites pas trop de bêtises avec, on va dire une petite dizaine d'années. Donc, oui. 100 euros pour une petite dizaine d'années, se mettre à l'abri des démarrages. Voilà, on peut avoir laissé ses veilleuses allumées la nuit, par exemple, ça peut arriver. Hein. On peut recharger son portable avec ou pas ? Alors, vous pouvez pas recharger votre portable, mais en revanche, ces boosters peuvent se recharger sur une prise USB. Si vous avez une USB dans la voiture, ça peut se recharger dessus. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ce sont que des bonnes surprises. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. RMC, 8h35, le week-end des experts. L'automobile, on est là jusqu'à 10h comme tous les dimanches sur RMC avec Jean-Luc Moreau en pleine forme. Tout à l'heure, Jean-Luc, nous retrouverons notre avocat préféré, Maître Rémi Jossomme, avec qui nous allons avec qui parler. On va pleurer, parce qu'en fait, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles cette semaine, aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Mais d'ailleurs, attendez, alors Rémi, pour nous aider, a sorti un livre dont on parlera tout à l'heure. Oui. Et si vous nous appelez d'ailleurs pour poser une question, je pense que on pourra se fendre d'un envoi de ce petit guide qui permet de sauver votre permis et qui va être de plus en plus nécessaire. Hein, voilà. Parce qu'avec l'augmentation des radars et la nouvelle loi que vient de nous pondre l'Assemblée nationale, ça va être chaud. D'ailleurs, vous avez des questions à poser à notre avocat, n'hésitez pas, le 3216 ou bien auto@rmc.fr. Vous vous sentez peut-être, comment dirais-je, grugé parce que vous avez eu un PV que vous ne méritiez pas. Vous voulez contester, bref, enfin, tous ces sujets-là, vous les connaissez. Si vous voulez en parler avec nous, 3216 ou auto@rmc.fr. On retrouvera aussi ce nouveau label des véhicules électriques avec Nissan. Et puis, l'actualité de la semaine, ce sera tout à l'heure avec Andy David de la rédaction d'automoto.com avec un petit scoop concernant Tesla. Autre scoop, c'est l'essai de la semaine à Peugeot 3008 dans un instant. Sur RMC avec Jean-Luc qui l'a testé cette semaine. Et dans l'immédiat, c'est Huguette. Oula, Huguette qui a une chambre d'écho à la David Guetta. Bonjour Huguette. Comment ça va Huguette? Eh bien, venez au Macumba. Bonjour Huguette. Est-ce que Huguette est là? C'est Huguette, mais c'est pas tout à fait la même demande. Alors attendez, alors, bon. Non mais parce que j'étais en train de faire une blague avec la batterie de David Guetta, c'est pour ça, Huguette. Ni qu'une voiture, j'ai pas encore la chambre. Hein. Ah, alors qu'est-ce qui vous arrive, Huguette, avec votre Mercedes? Ben voilà. Eh bien, écoutez, j'ai elle a 23 000 km, 23 300 et quelques kilomètres. Oui. Et l'embrayage est mort, complètement mort. Alors c'est quoi comme modèle exactement ? C'est la 180B. La B180. Oui. Vous avez quoi comme moteur dessus? Diesel, charbon? Non, diesel. Diesel. Oui. C'est le moteur 1 litre 8 Renault, c'est le moteur 1 litre 5 Renault ou 1 litre 8 Mercedes? Alors là, vous en savez rien. Ah non, mais non, là, mais vous posez les questions, Jean-Luc, bah franchement. Ouais, enfin, je sais pas, je pensais que les vous gens. Vous voulez savaient... pas demander la couleur de la Mercedes du Ah, bah si, ça, je pense qu'elle le sait, elle est de quelle couleur la votre voiture, Huguette. Je vais vous la donner, mais. Ça non, aidera pas, oui. Alors, on voulait savoir si, à 23 000 km, le fait que l'embrayage soit foutu, c'est normal. Oui. Bon, vous roulez pas tout le temps en première, Huguette. Non. Est-ce que vous gardez le pied sur l'embrayage quand vous êtes au feu rouge? Non. Non plus. Non plus. Non. Est-ce que vous habitez dans une région montagneuse? Non. Est-ce que votre pente de garage pour remonter quand vous démarrez le matin, elle est très raide? Non. Non plus. Non. Est-ce que vous mangez de l'embrayage le soir en regardant la télé? C'est-à-dire, quel goût ça a, ça? Ah, c'est assez désagréable. D'ailleurs, vous, rien que l'odeur, c'est assez déjà désagréable. Déjà, quand ça fume, c'est pas terrible. Ouais. Un barbecue d'embrayage. Il y en a qui font ça très bien. Jean-Luc, alors, pour récapituler. Ouais, alors, voilà. le vrai souci. Alors, d'abord, la classe B Mercedes a eu quelques soucis de boîte de vitesse. Donc, ça aurait été vraiment un souci de boîte de vitesse. On pouvait faire jouer ce qu'on appelle la garantie des vis cachées, parce qu'il y a eu des problèmes de butée d'embrayage, il y a eu des problèmes de synchro d'embrayage, des problèmes de pignon de troisième. Alors dans votre cas, peut-être qu'on peut aller sur la piste de ce qu'on appelle la butée d'embrayage. Il faut voir si la pédale d'embrayage revient bien quand vous avez fini de débrayer. Si elle met du temps à revenir ou qu'elle revient mal, ça peut être D'accord. la butée d'embrayage. D'embrayage. Alors ça, première chose. Deuxième chose, ça, c'est là que ça va être plus dur. C'est que l'embrayage est considéré par les constructeurs comme une pièce d'usure. Alors même si vous avez un souci avec la butée, comme ça a pu être répertorié sur ce modèle-là, le concessionnaire, quand vous allez aller le voir, d'autant que votre voiture n'a plus la garantie commerciale, va vous dire, madame, même elle à est de 2013 quand même, même à 23 000 km, on peut user un embrayage. Hein. Quelqu'un qui conduit comme un cochon peut l'user même beaucoup plus rapidement que ça. L'exemple tout à l'heure que je prenais, si vous habitez dans une rue en pente et que tous les matins vous démarrez en faisant patiner l'embrayage excessivement, il va pas durer très longtemps votre embrayage. Ouais. Voilà. Donc, alors, le souci c'est ça. En fait, c'est que il faudrait pratiquement faire démonter et constater par un expert que c'est lié à un problème qui était à l'origine du véhicule. Mmh. Exemple de tout à l'heure, la butée d'embrayage. Donc, il va falloir soit alors déjà, de toute façon, ce que vous allez vous êtes obligé de faire, Huguette, vous allez aller voir votre concessionnaire. J'imagine peut-être que vous l'avez fait. Vous allez lui faire un courrier recommandé en expliquant que à ce kilométrage-là, ça il paraît anormal, d'accord, que sur ce modèle-là, il y a des soucis de butée d'embrayage qui ont été répertoriés et que donc vous demandez une participation du constructeur. Ce à quoi on ça vous répondra, voilà. Ce à quoi on vous répondra non dans un premier temps. Et vous reviendrez à la charge. Éventuellement, si vous avez un conseil juridique avec votre assurance, éventuellement leur demander s'ils prendraient en charge une éventuelle expertise, mais il faut pas aller jusque-là. Hein, ça, dans votre cas, c'est quelque chose qui doit pouvoir se négocier à l'amiable. Dans tous les cas, il faut faire le démontage pour faire un diagnostic. Personne ne sera capable d'accord de le faire a priori. Mmh. Bon, s'il n'y a pas de souci avec cette butée d'embrayage, c'est que dans votre conduite, il y a quelque chose d'anormal parce que il est vrai que moins de 25 000 km pour un embrayage utilisé dans des conditions normales, c'est une usure totalement inhabituelle. Un embrayage correctement utilisé, ça doit faire 80, 100 000 km. Oui, d'accord. Merci Huguette pour votre appel. Donc, petite lettre recommandée avec accusé de réception au constructeur directement. Vous savez que les mails, ça marche maintenant. Ça marche aussi. C'est considéré. On demandera à Rémi tout à l'heure, mais vous verrez qu'un mail a la même valeur qu'une lettre recommandée. Sans doute. D'autant qu'on peut même avoir des accusés de réception sur les mails. Hein. Enfin, exactement, des confirmations c'est que de lecture, vous ne pouvez pas modifier une date. Tout à donc fait. C'est ça qui est important. Dans le recommandé, c'est plus la date qui compte que le fait. Et le fait d'être sûr que le destinataire a reçu le courrier. Le courrier. 8h42, c'est RMC. C'est le week-end des experts, c'est l'automobile. L'essai de la semaine dans quelques instants, la nouvelle Peugeot 3008. La version PureTech que Jean-Luc a testée, il va nous dire ce qu'il en pense. Mais auparavant, notre bon plan auto. Comment redonner l'éclat du neuf à ses pneumatiques? Et oui, vous qui roulez dans la boue avec votre voiture, tous les matins, vos pneus sont sales. Alors même quand vous la passez au Karcher, après, c'est vrai que les pneus sont ternes. Or, vous avez vu sur le salon de l'auto de l'autre côté de la rue que toutes les voitures sur les stands ont des pneus qui qui brille. Ouais, mais ils sont neufs, leurs pneus. Aussi. Alors, ils sont neufs, mais pas que. Pas que. Parce que ça brille pas autant que ça, un pneu neuf. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, une petite aparté. Vous avez remarqué qu'au défilé du 14 juillet, tous les engins militaires, je parle pas des chars. Oui, parce que Leclerc, les pneus neufs sur les chars. Ouais, il y a des chars avec des pneus, hein. Oui, oui. Mais les Leclerc, par exemple, non pas. Mais vous avez remarqué que sur les autres engins militaires, les roues brillent. Les pneus, ils brillent. C'est incroyable. Et vous savez pourquoi? Et c'est pas une farce, hein. Non, je sais pas trop. Eh ben, parce qu'il est passé au cirage. C'est pas vrai. Ah, ils cirent les pneus. Ils cirent les pneus. Alors, pas sur la bande de roulement, ça glisserait un petit peu, hein, mais sur les flancs. Les flancs sont cirés. Alors, ça prend un peu de temps, mais on va dire qu'il y a certains militaires qui ont un peu de temps. Arrêtez. Jean-Luc, s'il vous plaît, j'ai rien dit. Ne blasphémez pas. J'ai rien dit. Alors, vous avez la solution du cirage qui est extrêmement longue et qui va être coûteuse au final parce qu'il faut quand même beaucoup de cirage pour arriver à cirer un pneu. Et franchement, il y a des produits aujourd'hui qui sont adaptés pour redonner un petit peu. Alors, vous savez, c'est comme les gloss pour les lèvres. Vous en mettez souvent. Vous êtes un petit peu pointu là-dessus. Mmh. On a différents types de brillants. Alors, on peut avoir un effet naturel qui donne un effet mouillé aux pneumatiques, n'est-ce pas? Et puis, vous avez après l'effet shiny qui donne un effet plus brillant. Alors, c'est des produits qu'on peut trouver dans les centres auto. Ça existe en bombe, ça existe en pulvérisateur. Vous en avez même qui protège un petit peu le caoutchouc du pneumatique, qui évite les craquelements. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être intéressant. Souvent, les gens qui ont des voitures rutilantes, vous savez, les voitures de collection, on aime bien qu'elles soient toujours briquées, qu'elles soient brillantes. Et c'est vrai que le pneumatique, dès qu'on roule, il se ternit un petit peu. Il suffit qu'il ait plu une fois ou qu'il y ait eu un petit peu de saleté sur la route et votre pneu est terni. Donc là, il y a des produits qui permettent à la fois de redonner une belle couleur, y compris pour les pneus qui ont des flancs blancs. C'est important et en même temps de préserver un petit peu le caoutchouc des craquelures en nourrissant le caoutchouc du pneumatique parce qu'il a faim le caoutchouc du pneumatique. Voilà, donc je vais pas vous citer les marques vous en avez un paquet, alors attention au prix quand même les plus chers sont pas fatalement les plus efficaces. Vous en avez à 9 € qui sont très efficaces et vous en avez à 30 € qui le sont moins, c'est qu'il y a des produits qui laissent un film gras. Ah oui. Et au final, ça colle après les poussières et ça brille bien au début et puis au final le résultat est souvent inverse de ce qu'on recherchait. Tiens, Jean-Luc, on a la question de Canly qui vient d'arriver par mail et qui nous dit: je vois de la publicité sur la télévision et des panneaux publicitaires au salon de l'auto pour la Golf 7 GTE. Mais ce n'est plus disponible chez Volkswagen. Savez-vous pourquoi? Et sinon, quand est-ce que la Golf GTE n'est plus disponible chez Volkswagen? En tout cas, il nous dit ça. Je sais pas chez qui il est allé voir ça, mais la Golf GTE, c'est la Golf hybride rechargeable. Ouais. La Golf hybride rechargeable, elle est toujours disponible chez Volkswagen. On n'est pas entre deux, il y aura un restylage de la Golf qui est prévu, sera sans doute. Et puis il y a une nouvelle Golf électrique aussi qui va sortir. Oui, mais en matière d'électrique, là, on va avoir des vraies grosses nouveautés à partir de l'année prochaine. L'année prochaine, d'accord. 8h46, on revient dans un instant. Laissez la semaine la Peugeot 3008. Et puis, vos questions auto au 3216, n'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite. RMC, 8h-10h, votre auto. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonne nouvelle! Dès demain, je vais faire gagner à 3 d'entre vous chaque matin un 13e mois de salaire sur RMC. 2 000 € tous les matins dès 6h. Je vous donne rendez-vous dans Bourdin Direct sur RMC. À la rencontre des boulangers Banette. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, quand êtes-vous devenue boulangère avec Banette? Je devais avoir 5 ans. Ah bon? Oui, j'ai grandi dans une boulangerie. Mon père a fait partie des pionniers de l'aventure Banette. Mais c'était quand? Dans les années 80. À l'époque, le pain était souvent pas fameux. Et là, une poignée de meuniers et de boulangers indépendants, dont mon papa, se sont retroussés les manches pour défendre le vrai bon pain. Ah, d'accord. Ça a marché, ils ont innové, ils ont fait bouger la profession. Et aujourd'hui? L'aventure continue. Mon papa est à la retraite, donc c'est moi qui ai repris le flambeau. Je suis pas toute seule, on est 2500 aujourd'hui à défendre le bon pain artisanal avec Banette. D'accord. 2501 si je compte mon papa qui passe tous les jours à la boulangerie. C'est vrai. Vous avez déjà vu un pionnier prendre sa retraite? Banette, chaque jour, s'engager par amour du pain. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style est à partir de 149 euros par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions ? Oui, Catherine ? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle ? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple ? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, 8h48, le week-end des experts, l'automobile. Jean-Luc, il est temps maintenant de nous intéresser au gros morceau de cette émission, c'est-à-dire l'essai de la semaine, et c'est la nouvelle Peugeot 3008, et c'est très attendu. Et c'est très attendu, c'est la voiture certainement la plus attendue de l'année en France. En tout cas, alors, qu'est-ce que c'est que le Peugeot 3008 ? Parce qu'il conserve le nom de l'ancien modèle, mais Peugeot nous refait le coup de la 308. Vous savez que quand ils ont remplacé la 308, tout a changé sauf le nom. Et là, c'est exactement la même chose. Il n'a plus rien à voir avec celui qu'il remplace. Il est un peu plus long, il fait 4,45 m de long, ce nouveau 3008. Et surtout, il a un style beaucoup plus affirmé. C'est un vrai SUV cette fois. Alors, il est pas plus haut que l'ancien. En revanche, la garde au sol est plus importante. On a vraiment l'impression d'avoir... Alors, c'est un faux 4x4 parce qu'il n'est pas disponible en 4 roues motrices. Oui. Ça, on en parlera plus la semaine prochaine puisqu'on essaiera une version à motricité renforcée qui est censée pallier l'absence de 4 roues motrices. 4 roues motrices qui arriveront avec une version hybride rechargeable ultérieure. Mais d'accord. Ça, on en reparlera encore. Mmh. Alors, celui-là, franchement... Alors, mon avis propre, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de monde, je le trouve franchement beau et franchement moderne. Dans la catégorie, alors c'est une catégorie hyper disputée. Hein. Tout à l'heure, on évoquait le Qashqai. C'est le Qashqai qui a lancé la mode dans cette catégorie, hein, des SUV compacts. Celui qui domine le marché en France actuellement, c'est le Renault Kadjar. Et je peux vous dire que le Kadjar, il peut se faire du mouron. Il peut se faire du mouron. Hein, d'accord. Parce que le 3008, c'est vraiment un gros morceau. Alors, à l'extérieur, bon, vous me direz, c'est... une affaire de goût, mais il plaît au plus grand nombre. D'accord. Il a vraiment un style un petit peu anguleux. Étant toujours dans le design de Peugeot. Tout en étant dans le design de Peugeot qui s'est bien réinventé. Parce que c'est pas facile d'arriver à garder l'ADN d'une marque tout en évoluant dans le style. Et là, franchement, coup de chapeau. Et c'est la même chose à l'intérieur. Il est dans la moyenne en matière d'habitabilité avec un coffre qui fait 520 litres. Mais il est réellement au-dessus du lot en ce qui concerne la présentation. Tout d'abord, la finition est soignée, les matériaux sont valorisants. On a du vrai aluminium et du vrai bois sur certaines versions. Hein, ah oui. C'est quand même à signaler. Et puis, vous avez le fameux e-cockpit dont tout le monde parle. Et ça, dès le niveau de base. Qu'est-ce que c'est que ce e-cockpit ? C'est une dalle numérique qui remplace les compteurs. Vous allez me dire, mais ça existe déjà chez d'autres constructeurs. Oui, chez Audi, vous avez ça chez plein de constructeurs premium. Mais c'est nouveau à ce niveau chez de gamme. Peugeot. Voilà, à ce niveau de gamme. Ça n'avait encore jamais été introduit. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette dalle numérique ? Eh bien, vous pouvez changer l'affichage des compteurs. Bon, c'est-à-dire on peut personnaliser son afficheur, en fait. Exactement, vous pouvez personnaliser vos compteurs. Il est de bonne qualité ? Oui, il est de bonne qualité. Il est assez réactif. Il y en a qui sont plus réactifs que ça chez des concurrents avec des anneaux sur le capot, mais je vous donne pas la marque. Ah oui. Vous essaierez de trouver. Alors, ils ont quand même pensé à un truc pour me faire râler, parce que depuis le début, je fais que des compliments sur cette voiture. Il y a un truc encore, ils se sont dit, tiens, pour Jean-Luc Moreau, on va mettre le contour qui va à l'envers, comme d'habitude, c'est-à-dire au lieu d'aller l'aiguille, ah oui. Au lieu d'aller de la gauche vers la droite, va de la droite vers la gauche. Alors eux disent, ouais, c'est comme sur les Aston Martin, franchement, c'est pas pratique. Mais ça, c'était, merci d'avoir pensé à me faire râler. C'est ça. Alors, ce e-cockpit se commande depuis le volant. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que le volant a aussi une particularité, c'est qu'il est vraiment miniature. Ah oui. C'est un tout petit volant. Alors comme dans la 308, comme dans la 208, franchement c'est très agréable. Alors il a aussi une nouveauté, c'est qu'il est plat en haut et en bas. C'est-à-dire si ça finit, on va avoir un manche à balai, on n'aura plus un volant. Et pourquoi est-ce qu'il est plat en haut ? Vous allez voir que c'est pas idiot du tout. C'est que dans la 208 ou la 308, sur certaines positions du volant, ça masque les compteurs qui sont affichés un petit peu plus haut. Et là, donc, ce plat sur le haut du volant permet, même quand le volant est en position maxi en haut, de ne pas cacher les compteurs. Donc, franchement, on a une bonne visibilité. Voilà, franchement, ça c'est bien. D'ailleurs, c'est à mon avis, cette évolution-là va arriver sur la 308 et la 208. Alors, par rapport à la 308, justement, on a un autre gros progrès, c'est que la 308, souvenez-vous, pour même commander le chauffage, il faut passer par le système, l'écran tactile. Et franchement, il faut faire 3-4 manipulations. C'est pas pratique du tout. Et là, vous avez des touches de raccourci pour les commandes. Mm-hmm. Les commandes essentielles sous forme de touches piano qui sont pratiques et esthétiques. C'est nettement moins fastidieux de naviguer dans les menus d'infodivertissement. Il y a un grand écran tactile de 8 pouces que sur les autres modèles Peugeot. Un vrai gros progrès, alors en matière de présentation et d'utilisation. Et puis il y a une option. Là, je fais une petite parenthèse qui, moi, alors qui coûte 850 €, vous allez me dire c'est cher, mais quelque part, c'est pas cher. Je vous explique pourquoi. Allez-y. Parce que vous avez une installation Hi-Fi. Vous savez que j'adore oui, ça. Oui. Et une installation Hi-Fi qui est signée Focal. Focal, c'est une marque française qui fait de la Hi-Fi. Alors, ils font même jusqu'à du très haut de gamme. Oui, c'est du très haut. Ils font parmi les meilleures enceintes au monde. Mm-hmm. Et ils se sont penchés sur le berceau de ce 3008. C'est pour vous dire qu'il est bien né. Et il y a une chaîne 10 haut-parleurs 515 watts. Franchement, d'une qualité. Il faut pas hésiter pour 850 €. Tiens, si vous aimez la musique, ça vaut le coup. Ah ouais, ouais, c'est vraiment très très bien. On n'est pas au niveau des installations qu'on peut avoir dans Volvo notamment. Sur la Volvo, l'installation BMW qui vaut 6 000 € quand même. Ouais, je vous rappelle. On n'est pas dans la même gamme de prix. On n'est pas dans la même gamme, mais on n'est pas très loin en termes de rendu sonore. D'accord. Vous voyez, pour un prix qui est presque 8 fois inférieur. Jean-Luc, cette 308, est-ce qu'elle a des fonctions, par exemple, de véhicule autonome, comme c'est un peu à la mode actuellement? Alors oui, vous avez le maintien actif dans la file de circulation. Mais franchement, on va le dire, pour Gadget. Tous les véhicules, d'accord, y compris les très haut de gamme, aujourd'hui, toutes ces... C'est plus des aides à la conduite. La voiture autonome, on en est encore loin. Mmh. On parlait de 2020, il n'y a pas longtemps. Moi, je dis 2030. Franchement, avant qu'un système arrive à intégrer tous les paramètres et à vous proposer plus de sécurité quand vous conduisez. Alors, je ne vous ai même pas parlé du moteur. On va être obligé d'en parler. Alors, c'est vrai qu'il est séduisant à l'arrêt, le nouveau 3008, mais il a encore plus à conduire. C'est la plateforme de la 308 qui a été adaptée à un SUV. Gros intérêt, c'est qu'il est beaucoup plus léger que l'ancien. 150 kilos de moins à motorisation équivalente que l'ancien modèle. Ça veut dire quoi? Devriez en prendre de la graine. Le petit moteur essence 1,2 litre PureTech 130 chevaux. Il est bien plus à l'aise dans ce moteur-là. Il est même surprenant de dynamisme avec des accélérations franches et une bonne capacité de reprise à très bas régime. En sixième, à 1500 tours, ça repart. C'est absolument incroyable. Et le châssis est à l'avenant, Ce SUV paraît vraiment léger, il virevolte de virage en virage. C'est un peu comme la 308, c'est la référence de sa catégorie. Il enterre tout le monde. Le prix qui conserve un confort qui est pas extrêmement moelleux. Moi, je trouve les sièges un peu raides, par exemple. Et puis, il faut faire attention à la monte pneumatique parce que Peugeot vous propose des grandes roues. À mon avis, il faut rester sur le 18 pouces de la finition Allure que j'avais. Voilà. D'accord. Alors, le prix, vous allez me dire, vous voulez pas que je vous parle de la conso? On en parlera la semaine prochaine. Ben, c'est dommage parce que là, conso normalisée 5 litres 1. Ouais. Et Peugeot est le seul constructeur au monde à annoncer les résultats des tests RDE, donc les vraies consommations sur route. Donc, on est vraiment à 17 litres? 7,4 litres. D'accord. Mais Peugeot l'annonce. D'accord. Ils sont le seul à le faire. Alors, c'est très bien. La finition Allure de mon modèle, 30 450 €. L'ancien valait 29 350 € moins bien équipé avec la même mécanique. Donc, quelque part, on fait une affaire. C'est un petit peu plus cher que certains concurrents comme le Renault Kadjar ou le Nissan Qashqai. Mais comme il est supérieur en tout point à ces deux-là, franchement, le supplément est finalement pas très important. Dans un instant, notre avocat spécialisé dans la défense des automobilistes sera avec nous. Vous pouvez poser vos questions au 32-16. À tout de suite. On revient après la météo et les infos de 9h sur RMC. RMC 8h-10h. Votre auto. Menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, avec leur anniversaire, ils se couvrent de

Ils étaient une quinzaine d'étudiants hier soir à faire la fête au troisième étage de cet immeuble au centre-ville d'Angers lorsque le balcon sur lequel ils étaient a cédé, entraînant dans sa chute les deux autres balcons situés au second et au premier étage. C'est donc dans un immeuble des années 2000 que l'accident a eu lieu, qui est assez surprenant puisque sur des images que nous avons pu voir de l'intérieur de la cour, la coupure est nette, comme si l'édifice était beaucoup trop fragile puisque les trois balcons se sont affaissés. Le plan blanc a été déclenché ici et désormais c'est une voiture de police qui garde l'entrée d'un immeuble entièrement évacué. Plan blanc déclenché, donc c'est ce que nous expliquait Fabien Crombet. Justement, Michel Pichon, le directeur de garde du CHU d'Angers, a reçu plusieurs blessés dans son établissement. Au départ, on pensait avoir des urgences absolues. En réalité, on a des urgences, mais relatives seulement. Enfin, des personnes dont le pronostic vital, finalement, n'a pas été engagé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes d'Angers, mais il y a certainement également des jeunes du département, voire de la région. Alors, on n'a pas mobilisé toutes les équipes. Bon, on a fait un plan blanc, mais restreint quand même. Mais on a mobilisé effectivement une quinzaine de personnes en tout sur cet événement. Et on a mis en place une cellule d'accueil des familles. Michel Pichon joint ce matin par Lucille Huguet. Depuis 2 ans, ils avaient laissé leur drapeau rose et bleu prendre la poussière. Et bien ce dimanche, ils ressortent tout ça, la manif pour tous est de retour, cortège à Paris cet après-midi. À 8 mois de la présidentielle, ce n'est pas un hasard de les voir réapparaître. Charlotte Perronnet est allée à leur rencontre hier. Une famille, c'est un papa, une maman, des enfants. À tout juste 7 ans, Blanche prend déjà position. Alors aujourd'hui, elle manifestera avec son papa, Louis, dont la panoplie est déjà prête. J'avais le sweat officiel à la manif pour tous. Je l'ai redépoussiéré. On en a encore un ou deux autres pour les enfants. Car sur ces 7 enfants, 2 feront le déplacement. Les autres resteront avec Geneviève, leur maman. J'ai proposé aussi mes services à d'autres familles pour que le plus de personnes puissent rejoindre les rangs de la manif pour tous. Alors même s'ils ne retrouvent pas leur drapeau rose et bleu dans les cartons, pour Louis, la manifestation d'aujourd'hui a une portée bien particulière. Elle est directement liée à l'agenda politique. Il y a un risque d'accélération sur un certain nombre de sujets. Dans le viseur, la fameuse GPA, la gestation pour autrui. Pour Albéric Dumont, le coordinateur général de la Manif pour tous, il faut donc abroger la loi Taubira. Leurs revendications ne doivent pas être oubliées. Tous les candidats sont en train de rédiger leur programme. La famille doit être inclue dans ces programmes. Et selon un sondage OpinionWay, son avis est partagé par 28% des électeurs de la primaire de la droite et du centre. Le reportage de Charlotte Perronnet, la politique, sondage BFM TV ce matin, sondage 3 jours après le débat entre les candidats à la primaire de droite. Il n'y a pas photo, Alain Juppé creuse l'écart, 42% des intentions de vote, Nicolas Sarkozy est à 30%. Pas encore candidat, mais à chacune de ses prises de parole, il s'en approche un petit peu plus. Emmanuel Macron dans la peau d'un présidentiable ce matin. Très longue interview dans le magazine Challenge, il n'élude aucun sujet, et surtout prend ses distances avec François Hollande. C'est l'analyse de Maurice Safran, un des auteurs de l'interview. Macron explique qu'il est en véritable désaccord avec la façon dont François Hollande incarne la fonction de président de la République et que c'est une partie des difficultés tant au sein de la démocratie française que du système politique. Je crois qu'il faut, citer sa phrase. Une présidence de l'anecdote, de l'événement et de la réaction banalise la fonction. Ce type de présidence ne permet pas de réconcilier avec le ton long et le discours du sens. C'est effectivement très sévère, mais c'est une critique sur le fond. Maurice Safran, invité ce matin de BFM TV. 10 millions de tonnes de déchets alimentaires jetés chaque année à la poubelle. C'est énorme et ce dimanche, c'est un jour de prise de conscience. Journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'occasion de faire un premier bilan de la loi Garot. Cette loi votée en février dernier qui oblige les grandes surfaces à ne plus détruire les invendus et à les donner à des associations. Gwenaël Vendrestin à Lyon, la mesure est-elle efficace? Tous les matins, Jean-Paul Cottier visite les entrepôts des hypermarchés de la région lyonnaise pour récupérer de la nourriture et depuis l'adoption de la loi Garot, la demande est grandissante selon le vice-président de la Banque alimentaire du Rhône. Nous, ça nous a amené des petites surfaces qui jusqu'à présent ne donnaient rien à nous contacter. Il y a des enseignes, c'était pas la politique de donner. Et là, maintenant, on a une prise de conscience. Prise de conscience également des employés de ces grandes surfaces. Frédéric Gallard est le responsable logistique d'Auchan Saint-Priest. Tous les employés, je les sensibilise justement pour qu'on puisse donner encore plus parce que aujourd'hui, on a encore quelques produits qui passent à la poubelle qu'on aurait dû donner. Mais avec ce surplus de dons, c'est au tour des associations caritatives de jeter de la nourriture et donc de gaspiller. C'est le revers de la médaille pour Sébastien Tolo, le secrétaire général du Secours Populaire du Rhône. Si on est en capacité de redistribuer 100 paquets de jambon et qu'on va en récupérer 300, qu'est-ce que l'on fait des produits qui ont des dates très courtes et qui ne pourront pas être redistribués? Le gaspillage alimentaire représente une perte de 400 euros par an et par foyer en France. Le reportage à Lyon de Gwenaëlle Vindrestin. La clôture ce soir, 20h du Mondial de l'Automobile à Mondial. Manifestement en souffrance, 10 à 15% de fréquentation en moins. Et ce sont vos informations, AMC Jean-Luc Moreau. Vous nous le dévoilez ce matin. Pas sûr que les constructeurs aient très envie de revenir à la porte de Versailles. Bah écoutez, il y en a déjà qui étaient absents cette année. Il y a 6 grands constructeurs qui n'étaient pas là. Et j'ai moi-même discuté avec le PDG de Toyota il y a un peu plus d'une semaine, qui m'indiquait que si le Mondial restait tel quel, c'est-à-dire sur 3 week-ends, bah Toyota ne ferait sans doute pas le déplacement en 2 ans. Et plus grave, j'ai dîné en début de semaine lors des essais du 3008 avec Carlos Tavares, qui pense exactement la même chose. C'est-à-dire que même si les ventes sont au niveau des objectifs que s'était fixé le constructeur, le Mondial de l'Automobile coûte beaucoup trop cher aujourd'hui. Il n'est pas question, même pour PSA, de revenir dans ces conditions-là dans 2 ans. Donc si PSA devait zapper le Mondial de l'Automobile disparaîtrait certainement. Et c'est ce que vous disiez, pourtant les constructeurs expliquent qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus vendu cette année. Ils ont plus vendu, mais ça coûte extrêmement cher d'avoir des stands sur le Mondial de l'Automobile. Ça coûte extrêmement cher d'avoir du personnel qui reste sur 2 semaines et demie. Alors que sur les autres salons, en général, c'est 10 jours. C'est-à-dire on a 2 week-ends. Là, on a 3 week-ends. Ça pouvait se justifier au moment où le salon faisait 1 300 000 entrées, ou pour éviter d'avoir trop de monde chaque jour, on avait allongé la durée du salon. Aujourd'hui, on va sans doute réellement être en dessous de 1 million de visiteurs. Donc, ça tiendra largement sur la durée des autres salons internationaux, puisque le Paris est le plus long. Voilà, le Mondial de l'auto menacé et PSA, constructeur français qui menace de pas revenir. Le prochain Mondial, bien sûr, c'est dans 2 ans, 9h08 sur RMC. 16e au classement, à 2 points du premier relégable, Marseille n'a plus le choix ce soir. Victoire obligatoire face à Metz, et pour cela, Florent Germain, l'OM compte sur le retour de la Sana Diarra. Oui, l'OM sera resté orphelin de la Sana Diarra pendant 1 mois et demi, malgré l'impatience de certains supporters ou observateurs qui n'hésitaient pas à suspecter Diarra d'inventer une blessure diplomatique. Le groupe marseillais a attendu son leader sans broncher, Franck Passy, et donc aujourd'hui un entraîneur soulagé. C'est un exemple. C'est un joueur qui s'entraîne collectivement, mais qui s'entraîne aussi seul. Il a de l'expérience, il montre la voie aux plus jeunes, et en plus il arrive à les éduquer aussi, à leur montrer ce qu'est le foot de haut niveau. Diarra, qui a joué 2 matchs amicaux pendant la trêve internationale, qui n'a pas hésité aussi à faire du rab à l'entraînement pour revenir à un bon niveau physique, sera probablement titulaire. L'AS devra même récupérer son brassard de capitaine. L'OM retrouve son leader et compte bien en profiter, au moins jusqu'au mercato hivernal. Les résultats d'hier, le PSG est allé battre Nancy 2-1, même score pour Nantes face à Lorient, et pour Angers à Bastia, Guingamp Lille 1-0. 3-2 pour Montpellier face à Caen, la Coupe d'Europe de rugby. Le bilan pour l'instant, c'est 4 matchs, 4 défaites pour les clubs français. Alors aujourd'hui, Bordeaux-Bègles, le Racing et Clermont vont devoir faire mieux. Clermont, par exemple, qui se déplace à Exeter. Des Auvergnats qui avaient été rapidement éliminés l'an dernier. Benjamin Kaiser est plus ambitieux. Pas vraiment de la revanche, parce qu'honnêtement, on n'en veut à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Peut-être que j'avais pas pris 3 pas de recul pour me rendre compte à quel point on avait vraiment merdé en fait à répétition la phase de poule de l'an dernier. On va essayer vraiment voilà, de rectifier ce point, d'être beaucoup plus précis dans notre gestion de match, d'être beaucoup plus tueur à la limite en termes de points par rapport à nos adversaires, et rien de tel que se confronter à un énorme morceau ce week-end pour se lancer là-dedans. Voilà, rendez-vous cet après-midi pour toutes ces rencontres de Coupe d'Europe. 9h10 sur RMC. François, les courses pour terminer. Oui, Thomas, alors avant de communiquer les pronostics épiques, j'ai justement à signaler que après les pronostics épiques, nous aurons un spécialiste, en fait un avocat spécialiste dans la défense des droits des automobilistes. Je vais être très attentif alors. Voilà. On va pas trop rentrer dans les détails, les amis, parce que j'ai pas envie de dévoiler des pans entiers. Il reste plus que 4 points. De là, ce serait vraiment parler de sa vie privée. Non, et puis c'est pas forcément. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Voilà. Donc on en parle dans un instant si vous voulez conserver vos points, Thomas. Mais dans l'immédiat, donc tiercé, quarté, quinté plus à Chantilly, Sébastien Larras nous conseille de retenir le 4 Grand Jeté et le 15 Siaka. Maslum est assez confiant avec le 2 à Rose, et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As Magari et le 14 Handshop. Le 4, le 15, le 2, l'As et le 14. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et tout de suite sur RMC, on retrouve Jean-Luc Moreau et notre invité, Maître Rémi Jossomme, avocat, qui va répondre à toutes vos questions. Il vous manque des points, vous voulez avoir des précisions sur tous ces sujets, n'hésitez pas, 32-16, on est là dans une minute. RMC. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins qui font leur anniversaire avec une bougie et trois cotillons. Et puis il y a l'anniversaire La Paire avec plein de petits prix et des centaines de promotions. Jusqu'au 2 novembre, pendant l'anniversaire La Paire, il y a par exemple jusqu'à 25% de remise sur les fenêtres PVC ou aluminium sur mesure. Moins 25% sur les fenêtres. L'anniversaire La Paire, mais c'est sûr, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Marc, ça te dérange si je prends deux jours pour aller chercher mes nouvelles lunettes à Nantes? À Nantes? Mais pourquoi Nantes? Bah, parce que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher, hein. Ah, à moins que tu me dises que notre mutuelle a mieux à proposer? Non, je crois pas. Ben voilà. Mais tu sais, c'est pas si mal, Nantes. Je t'ai déjà dit que, plus jeune, j'habitais à Bordeaux. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Marion aurait pu bénéficier d'un réseau de plus de 5000 opticiens forcément près de chez elle. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Allô ma belle, devine où je suis. Ah, ton nouveau cours de yoga. Non. Séance de shiatsu. Non, toujours pas. Bon, écoute, il y a des Opel partout et des offres exceptionnelles à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Oh, je sais. Le mondial de l'auto. Presque. Le salon de l'auto. Non plus. Oh, bon, je sèche. Chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 €. Oui, 7 690 €. Avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, 9h13, le retour du week-end des experts de l'automobile. Bon dimanche et merci d'être avec nous. Ce rendez-vous auto est unique en France. Hein. 2 heures dédiées à la voiture, c'est chaque dimanche sur RMC, 8h-10h, avec Jean-Luc Moreau ici présent. Oui, et Jean-Luc. Pour une fois, on va essayer de tenir nos promesses. On vous avait promis qu'une fois par mois, on ferait venir Rémi Jossomme, mais qu'on parlerait de tout ce qui est juridique, voilà, et des droits des automobilistes. Exactement. Bon, là, la dernière fois, c'était fin août. Bon, on est passé il y a presque un mois. Hein, oui, il est un peu moins bronzé, notre maître Rémi Jossomme. Un gros mois, mais surtout, il y a de l'actualité cette semaine, puisque bonjour Rémi, bonjour maître. Bonjour François et Jean-Luc. Bonjour maître. Voilà, cette semaine est passée très discrètement à l'Assemblée nationale, la fameuse loi, alors j'aime bien moi le titre, hein, la loi sur la modernisation de la justice du 21e siècle. Tout un programme ça. Oui, bon. Alors messieurs, je suis grognon ce matin, hein, je vous préviens. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, je l'avais remarqué vraiment un peu. Avec des pincettes, ah, parce qu'effectivement, lisant cette nouvelle loi de modernisation, effectivement, alors le terme fait quand même sourire. on revient beaucoup en arrière, j'allais dire, hein, dans l'histoire, puisque là, on va obliger les chefs d'entreprise à dénoncer leurs collaborateurs pris en infraction avec leur véhicule de société. Et donc les députés ont effectivement. Excusez-moi, maître, mais auparavant, on ne faisait que payer l'amende. Oui, auparavant, les collaborateurs, j'allais dire, trouvaient un arrangement avec le chef d'entreprise. L'amende était payée, effectivement. Mais la plupart du temps, le chef d'entreprise ne pouvait pas ou ne savait pas qui conduisait le véhicule. Et d'ailleurs, cette question reste en suspens, hein, pour bon nombre d'entreprises. Mais effectivement, ce mardi, les députés ont créé une nouvelle infraction au Code de la route. C'est la non-délation du collaborateur pris en excès de vitesse ou en infraction de manière plus générale. Alors comment ça va se passer? Alors je suis chef d'entreprise, je reçois un PV d'un véhicule de ma société, je suis obligé de donner le nom de la personne qui conduisait. Si je le fais pas, comment ça se passe? Alors effectivement, si vous ne le faites pas à ce stade-là de la procédure, oui, vous serez redevable d'une amende qui va s'échelonner de 90 € à 1 875 € parce que les députés n'ont pas fait les choses à la légère, ils ont multiplié par 5 les amendes encourues pour les personnes morales. Donc 375 € qui est le prix, on va dire, de l'amende majorée, multiplié par 5, 1 875 €. C'est l'amende que le chef d'entreprise pourra être amené personnellement à payer s'il refuse de donner l'identité du conducteur. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il est obligé de donner l'identité, on va dire, exact du conducteur. Il peut se tromper, le chef d'entreprise. Il peut dénoncer à tort ou à raison. Donc, la seule obligation qui est la sienne, c'est de donner un nom. Alors, il va donner un nom, celui de son collaborateur ou celui qu'il pense être le conducteur. Sa grand-mère. Et le collaborateur, pourra parfaitement dire je ne suis pas le conducteur du véhicule à alors, ce moment-là. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas précis? Admettons que on cherche à échapper. Je sais qu'il y en a qui vont râler, mais quelque part, vu le programme répressif qu'on nous annonce, on va essayer quand même de trouver des portes de sortie. Admettons que je sois le chef d'entreprise. Je sais très bien que c'est François Sorel qui était au volant de la voiture, mais je dénonce Jean-Luc Moreau qui était aux USA pour travailler. Mais parce qu'en plus, il est moins sympa. Bah oui, il est moins sympa, c'est pour ça qu'on le dénonce toujours. Je dénonce Jean-Luc Moreau qui était aux USA. Moi, je rentre, je reçois le PV chez moi, on est bien d'accord. Et je peux prouver que je n'étais pas au volant du véhicule puisque j'étais à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous pointez du doigt la première faille du dispositif, c'est qu'effectivement, l'employeur, lui, a respecté son obligation. Oui, il a dénoncé. Il peut ne pas savoir. Hein. Il y a des véhicules qui sont conduits par deux personnes, trois personnes sur un long trajet. Hein. Oui. Je pense notamment au chauffeur routier, au livreur, etc. Au VRP, etc. Donc lui, il s'est déjà exonéré de sa responsabilité. Eh bien, le salarié dénoncé à tort, ou qui pourra prouver qu'il n'était pas le conducteur, eh bien, contestera lui-même l'infraction. Et puis, comme l'administration ne pourra pas prouver que c'était lui, parce que, comme vous le savez, les radars sont réorientés en flashant par l'arrière, eh bien, il sera relaxé par le tribunal. Donc, manifestement, on a un dispositif qui... Ça va être compliqué, quoi. Ça veut dire que ça va complexifier... Est mort-né, puisque il est contournable. Ouais. Évidemment qu'il est contournable. Et puis, ça va créer des tensions dans l'entreprise. Ça va créer aussi peut-être de la discrimination dans l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez vraiment que dans les très grosses entreprises, on va forcément dénoncer les hauts cadres de l'entreprise? Alors, les grosses entreprises, disent, on le fait. Hein, les entreprises du CAC 40 disent déjà, on fait ça. Il y a la parole et il y a les actes, Jean-Luc. Oui, il y a toujours une certaine opacité, on va dire. Exactement. On revient dans un instant, 9h18, d'autant que j'ai une bonne nouvelle, les amis. Le livre de Maître Rémy Jaussaune, Conservez votre permis, le guide pratique, est sorti. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est que je vais vous en offrir dans un instant. Donc, restez là. C'est RMC, c'est votre auto. À tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. Aujourd'hui, Humanis s'engage pour Olivier. Il a le goût du risque. Il aime miser sur les projets auxquels personne ne croit. Mais quand on lui parle de la santé de ses salariés, là, il ne veut prendre aucun risque. Qui a dit que l'on ne pouvait pas choisir sa complémentaire santé en toute sérénité? Nous protégeons au quotidien 700 000 entreprises et avons la confiance de plus de 50 branches professionnelles. Pour trouver la complémentaire santé la plus adaptée à vos salariés, faites un devis sur santéprohumanis.com. Humanis, protéger, c'est s'engager. Si après 3 heures d'embouteillage, dans votre tête, ça fait... C'est que vous conduisez le nouveau Citroën C4 Picasso à partir de 235€ par mois sans condition avec le pack Smile & Go. Entretien garanti et assistance inclus. Et pendant le mondial de l'automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 3 300€, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur carstore.citroën.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continue la semaine prochaine chez Intermarché. C'est pas fini. La semaine prochaine, jusqu'à 50% d'économies sur une sélection de produits. Oui, 50%. C'est la dernière semaine pour tenter de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalités, règlements et magasins participants sur intermarché.com. Du 18 au 23 octobre. Une Yaris hybride? T'as encore été augmenté? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159€ par mois. Une hybride à 159€ par mois? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris Hybrid est au prix exceptionnel de 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990€, bonus écologique 750€ déduit sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il s'agit du livre de chevet de Jean-Luc Moreau. Et croyez-moi, je l'ai appris par cœur. Il en a bien besoin. Ouais, je l'ai appris par cœur. Conservez votre permis, le guide pratique. Alors moi, pour éditions le particulier. Pour conserver mon permis, je l'ai mis au congélateur. C'est vrai? Oui. Et alors? Et ça n'a pas marché. Il cuit pas, alors je suis sûr donc qu'il est pas à point. À point, oui. Ah, c'est ça, j'en étais sûr. Nous vous offrons maintenant, je vous offre 5 exemplaires de ce livre. Comment? Attention, par mail exclusivement. Vous nous envoyez maintenant sur auto@rmc.fr, vos coordonnées complètes, adresse postale, etc., votre numéro de téléphone, et les 5 premiers mails que nous recevons, eh bien, on leur expédiera ce livre, donc, Conservez votre permis, le guide pratique de Maître Rémi Jossomme, qui était avec nous ce matin, Jean-Luc. Aux éditions Le Particulier, qui coûte, Maître ? Qui coûte moins cher qu'un PV, hein. Ouais. 16,90€. Ah, ouais, ah bah oui. Ouais, Jean-Luc, n'envoyez pas d'email, là. Je vous vois déjà sur le. Oui, il est vous déjà l'avez là-dessus. Entre les mains, là. Non, laissez jouer les auditeurs, s'il vous plaît. Hein. Bon, Rémi, on parlait de cette loi de modernisation de la justice du 21e siècle. C'est un titre très long pour finalement des mesures qui pourraient se résumer en un seul mot et je le dirai pas. Mais il y a autre chose que les chefs d'entreprise qui seront obligés de dénoncer leurs collaborateurs. Oui, il y a. Le fait que les personnes qui vont conduire sans permis, c'est-à-dire qui n'ont jamais passé le permis, hein, un peu comme François, quoi. Peut-être. Ou ceux qui n'ont jamais payé, ou qui n'ont pas payé leur assurance, eux vont être redevables d'une simple amende. Alors, le paradoxe assez étonnant, c'est que celui qui n'a jamais passé le permis, hein, aucune formation, qui va être pris la main dans le panier, bah, lui, il va payer une amende, hein, quelques centaines d'euros. Donc c'est un peu le pouce à l'infraction, c'est-à-dire que celui qui attend ou qui a eu beaucoup d'échecs à son code, eh bien il va essayer peut-être ou il va prendre le volant. Et puis celui par contre qui a perdu tous ses points, qui a un permis depuis 20 ans, qui a 20, 30 ans d'expérience, lui s'il conduit sans permis par contre, ça reste un délit avec peine de prison à la clé, amende, etc. C'est hallucinant. Comment dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité, on peut avoir deux poids deux mesures quand même pour la même infraction? Très surprenant, le discours des pouvoirs publics, c'est de dire que les juges n'infligeaient la plupart du temps qu'une seule amende pour les conduites sans permis. C'est vrai dans certains cas, mais dans d'autres cas, ce n'est pas vrai. Le juge pouvait imposer au contrevenant l'obligation de passer son permis. Il y avait la possibilité de mettre de la prison avec sursis. Mmh. Bref, il y avait l'aspect et l'effet pédagogique du passage à l'audience. On est quand même assez surpris qu'en réalité, l'administration va créer une forme de justice bureaucratique. On veut plus voir le justiciable, on veut plus le voir dans les tribunaux. Maintenant, on veut juger les gens sur le papier. Ben, en voilà la parfaite illustration. Ah, c'est dommage, je voulais changer de métier. Je me suis dit comme ça, avec la sévérisation, là, on va dire, de la loi, je voulais changer de métier et devenir avocat. Ça allait être rendable. Est-ce qu'on a besoin d'abord d'un avocat pour se défendre ou est-ce qu'on peut se défendre tout seul? Jean-Luc, est-ce qu'on a besoin d'un chirurgien lorsqu'on se fait opérer? C'est à peu près la même réponse, vous voyez. Ça dépend. C'est-à-dire que l'homme de l'art, forcément, il maîtrise la procédure, il a le langage, il a l'accès au tribunal, et on va dire les choses entre nous, vraiment, il est un peu plus écouté, l'avocat, évidemment. Donc, quand on veut avoir une défense solide avec quelqu'un qui connaît, qui a une expertise du domaine, bah, on prend un avocat qui pratique ce type de contentieux, oui, évidemment. Et ça coûte combien ? Bah, ça coûte entre 500 et 3000 euros selon les faits qu'on vous reproche. Donc du simple feu rouge inobservé à malheureusement l'homicide involontaire avec des circonstances aggravantes. J'adore les propos des avocats. Le feu rouge inobservé, c'est quand même excellent. Bah oui, vous pouviez avoir les yeux fermés en étant c'est ébloui pas un feu par rouge le soleil grillé ou quoi. Il est inobservé. Ça c'est beau. C'est pas mal. C'est vous hein. qui avez trouvé celui-là. Non, c'est le code de la route qui parle d'inobservation du feu, vous voyez. Ça c'est joli quoi. Enfin franchement, c'est poétique. C'est la classe. Ouais, hein? C'est bien. Voilà. On pourrait se plonger dans cet excellent livre Conservez votre permis, le guide pratique. Je prends une page au hasard. Page 59. Priorité à droite. Attention à l'abus de droit. Ça n'a rien à voir avec les prochaines élections présidentielles. Est-ce que on peut faire tout et n'importe quoi quand on arrive de la droite ou est-ce qu'il faut quand même regarder ce qui se passe? Eh ben, comme dit François, oui, il faut regarder ce qui se passe. Effectivement, on peut pas, comme ça, j'allais dire, donc les yeux fermés, franchir une intersection avec une priorité sans avoir un minimum de marque de prudence. Donc ça a été jugé, effectivement, que celui qui arrive trop vite, effectivement, à l'intersection à droite et qui ne procède pas à une forme d'étude rapide des lieux, si vous voulez, hein, un ralentissement. Oui. Etc. Mmh. Bah, il peut engager sa responsabilité. Et de même, si moi j'arrive à un carrefour et que celui qui est à ma droite marque l'arrêt pour me laisser passer et qu'une fois que je suis engagé redémarre et me rentre dedans, la responsabilité elle sera, semble-t-il, effectivement marquée auprès de celui qui s'est arrêté, qui vous a laissé penser, qui vous laissait la priorité, qui a renoncé à sa priorité à droite. Bon, Maître, je ne sais pas si votre livre est d'ores et déjà un best-seller, mais en tous les cas, sur le mail auto@rmc.fr, c'est le cas. Hein. Énormément d'auditeurs se sont inscrits pour remporter ce livre. La bonne nouvelle, c'est que dans un quart d'heure, je relancerai ce jeu. Vous allez pouvoir encore une fois gagner 5 exemplaires de ce livre. Donc, conservez votre permis. Le guide pratique paru aux éditions Le Particulier. Vous restez avec nous. Météo Info et on repart. À tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre tour. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Du 8 au 18 octobre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Ah, pop, pop, pop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation, crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit, c'est acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. À la rencontre des boulangers Banette. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ça sent bon. Merci. Alors, il faut combien de temps pour faire un pain comme ça? Un an environ. Un an? Eh oui. Bon, alors là, il faut que vous m'expliquiez. Un bon pain, c'est un bon boulanger qui travaille avec un bon meunier, qui travaille avec un bon agriculteur. Ah oui. Un an, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'agriculteur a planté le blé, qui a servi à faire ce pain. C'est toute une filière d'hommes qui ont bossé ensemble. Chacun respecte un savoir-faire pour que ce pain soit parfait. Ah, d'accord. Un an et une nuit, pour être précis. Si l'on tient compte du fait que j'ai commencé tôt ce matin. Goûtez-moi ça. Merci. Drôlement bon. Pour un pain qui a un an... Banette, chaque jour, s'engager par amour du pain. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 allure. La berline compacte, avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement. À un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 allure est à partir de 249 € par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Et c'est avec Valentin Mailleux qu'on fait un point complet sur la météo de ce dimanche. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. La photographie de ce dimanche, c'est encore des averses sur le nord-ouest et puis partout ailleurs quand même du soleil. Alors ces averses sont fréquentes ce matin sur la Normandie et les Pays de la Loire. Il pleut d'ailleurs en ce moment sur ces deux régions. Elles sont souvent accompagnées de vent, hein, principalement le long des côtes. Ce vent va pousser les nuages et les averses vont aussi atteindre les Hauts-de-France cet après-midi. Sur le reste du pays donc, après la dissipation des brouillards présents localement ce matin, la tendance est globalement au beau avec un ciel quand même voilé, mais du soleil. Cet après-midi, toujours du soleil. Ça va perdurer sur le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Mais le vent pourra quand même amener des nuages et localement des averses sur le golfe du Lion. Demain, une nouvelle perturbation va balayer le pays et le ciel sera nuageux et pluvieux sur une large partie Est, alors que l'Ouest profitera d'éclaircies malgré des nuages. Les températures cet après-midi en hausse et au-dessus des normales, 17 degrés à Brest et Cherbourg, 18 à Nantes et Strasbourg, 19 degrés pour Lille et Reims, 20 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 pour Bourges et Nice, 22 degrés à Marseille, Bordeaux et Toulouse et 23 à Ajaccio et Biarritz. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Un point sur l'actualité 9h30 sur RMC avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Dramatique accident à Angers cette nuit. Il était 23h30 quand un balcon s'est effondré. En plein centre-ville, balcon situé au troisième étage d'un immeuble. 4 personnes sont décédées, 11 sont blessées, dont l'un en état d'urgence absolue. Le plan blanc a été déclenché sur place, 70 pompiers mobilisés. La politique, sondage RMC, BFM TV ce matin. Sondage 3 jours après le débat entre les candidats à la primaire de droite. Et il n'y a pas photo. Alain Juppé creuse l'écart. 42% des intentions de vote. Nicolas Sarkozy est à 30%. Longue, très longue interview dans le magazine Challenge ce matin. Emmanuel Macron pose les bases de sa candidature à la présidentielle, détaillant sa vision de la fonction. Un président normal, c'est une erreur. Tacle clair adressé à François Hollande. L'ancien ministre prédit également la fin du Parti Socialiste. C'est une information RMC ce matin. Le mondial de l'auto qui ferme ses portes aujourd'hui est menacé, selon Jean-Luc Moreau, devant le bilan négatif de cette année. D'autres marques ne voudraient plus faire le déplacement porte de Versailles, y compris prix, le constructeur français PSA. Les sports et le football, le PSG qui ne brille pas mais qui gagne, 2-1 face à Nancy, 9e journée de Ligue 1, même score pour Nantes face à Lorient et pour Angers à Bastia. Guingamp, Balille, 1-0, 3-2 pour Montpellier face à Caen. La suite de cette 9e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui avec en clôture ce soir Marseille face à Metz. Et puis le rugby, la Coupe d'Europe et un samedi cauchemar pour les clubs français. 4 matchs, 4 défaites. Toulon, Montpellier, Castres et Toulouse n'ont rien pu faire aujourd'hui. Le Racing, Clermont et Bordeaux-Bègles tenteront de faire mieux. 9h31 sur RMC. Jean-Luc Moreau et François Sorel, messieurs, votre auto. Thomas, merci beaucoup. On se retrouve le week-end prochain, Thomas. À la semaine prochaine. Et bien voilà, et évidemment, prochain rendez-vous avec l'actu, ce sera 10h sur RMC. On repart dans ce rendez-vous auto jusqu'à 10h. Jean-Luc Moreau m'accompagne. 32-16 si vous voulez nous joindre. À tout de suite. RMC sur votre iPhone, c'est possible. Téléchargez tout de suite l'appli RMC. Jean-Luc Moreau, attention, petite question flash. Et arrêtez de vous dandiner comme un danseur de disco sur cette musique, certes entraînante. Alain, qui nous dit ceci. Il a une Suzuki Alto, année 2000, 148 km. J'ai fait changer la courroie de distribution et deux amortisseurs, Jean-Luc. Mon garagiste me fait payer un tarif à l'heure et je dois payer pour 7h30 de réparation. Je trouve ça énorme. Est-ce normal ? Alors ça dépend de quel modèle d'Alto dispose Alain en fait. Ah, parce que si il a l'ancienne génération de Suzuki Alto qui possède une courroie de distribution. Le barème, vous savez que les constructeurs ont un barème de temps pour les réparations. Oui, bien sûr. Que les les garagistes préconise. Doivent en général appliquer. Donc ce barème de temps c'est 1 heure. Et 2 heures si la voiture est équipée de la climatisation, puisqu'il y a des choses supplémentaires à démonter. Deux amortisseurs, c'est vraiment pas long à remplacer. On va dire qu'aller au total, s'il n'a pas la clim sur sa voiture, c'est moins de 2 heures. En revanche, s'il dispose d'une nouvelle génération d'Alto, et c'est là que c'est très étonnant, parce que c'est une chaîne de distribution qui normalement ne se remplace pas, donc ça voudrait dire qu'il y a un problème. Cette fois, le barème de temps pour le remplacement de la chaîne de distribution, c'est 7h30. Vous voyez un petit peu la différence ? 1 heure pour la courroie de distribution, 7h30 pour la chaîne de distribution. Mais qui, je le répète, normalement ne se remplace pas. Donc la justification peut être là. Mais moi, j'enjoins quand même Alain à se rapprocher de Suzuki France pour savoir si sa voiture n'a pas eu un problème, s'il a fait changer réellement la chaîne de distribution. Ça peut être un problème lié à ce qu'on appelle un défaut de fabrication. Voilà. Le 3216 auto@rmc.fr. Nous sommes là jusqu'à 10h avec Jean-Luc. N'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Un excellent dimanche avec RMC. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Soyez les bienvenus jusqu'à 10h. C'est votre auto. Comme chaque dimanche, 2 heures entières dédiées à l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre expert qui est là pour répondre à toutes vos questions. Tout à l'heure, nous nous intéresserons à l'actualité de la semaine qu'on a pu lire sur automoto.com avec Andy David. On va aussi s'intéresser dans quelques minutes au nouveau label véhicule électrique, Jean-Luc. Ça a été, et véhicule c'est d'occasion par, électrique. C'est poussé par Nissan. Véhicule d'occasion électrique. Véhicule Nissan, d'occasion, bien sûr. Oui, qui est le premier constructeur mondial en matière de véhicules électriques, avec la Leaf en particulier. On aura tout à l'heure le directeur de la communication de Nissan West Europe avec nous. On en parle dans un instant, mais auparavant, nous sommes toujours avec Maître Rémi Jossaume, avocat qu'il a pour défendre les automobilistes. Et qui vient de sortir son livre « Conservez votre permis, le guide pratique » et page 66 de ce fameux guide. Je découvre quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Paiement de l'amende, demander une remise. On peut négocier avec... avec les finances publiques. Alors vous, je vois, vous donne 3 000, je vous donne 2 000, on n'en parle plus. On n'en parle plus, allez, comme ça on le fait, je vous paye en cash. Vous avez l'air surpris, Jean-Luc. Effectivement, c'est surprenant, mais c'est possible. La loi prévoit effectivement la possibilité, en s'adressant au comptable du Trésor, une remise, alors qui peut être de 20% jusqu'à une remise complète, effectivement, prévoit les textes. Totale, effectivement. Si, d'une part, vous reconnaissez l'infraction, c'est-à-dire que vous renoncez à votre droit de contester l'infraction. Et si vous justifiez de difficultés financières, alors en pratique, effectivement, le comptable du Trésor va vous adresser un certain nombre de feuillets à remplir, et vous allez devoir illustrer vos difficultés financières en mentionnant vos charges, vos différentes difficultés. Et le comptable du Trésor peut, à ce titre-là, soit faire une remise, effectivement, alors elle est totale ou partielle, ou vous proposez également des délais de paiement. Donc, il ne faut pas croire que l'administration fiscale est une administration sourde. Elle peut faire... Ils ont tant de mal quand même. Hein. Elle peut vous consentir des facilités, des remises. Ce sont les dispositions de l'article 530-4 du code de procédure pénale, tout est expliqué assez simplement, j'allais dire. Et là, pour le coup, pas besoin d'un avocat, François. Une simple lettre. Du moment qu'on a le conservé votre permis. Moi, si je vous dis juste article. Non, mais Jean-Luc, par exemple, qui a souvent des problèmes justement avec la justice et son automobile, il peut pas avoir une carte de fidélité, par exemple. Ça existe pas des remises automatiques au bout d'un certain non. Ah bah la carte de fidélité, il l'a peut-être avec son avocat, avec l'administration fiscale. Je pense qu'éventuellement, Négocier. Il peut négocier. Oui. Alors, mais non, moi, je voyais page 71, un truc qui va vous intéresser, François. Ah. Passage au tribunal, la dispense de peine. On peut être dispensé de peine, ça existe, ça ? Oui, oui, alors effectivement... Parce que François me fait de la peine, mais ça dispense pas. C'est pas vraiment le même sujet. La dispense de peine, elle peut intervenir, et elle a un intérêt, vous allez voir. Quand le juge estime qu'effectivement, le PV fait foi jusqu'à preuve contraire, vous rapportez pas la preuve contraire. Mais le contexte est particulier. Il y a effectivement une appréciation un petit peu différente des faits, de la situation, de vos explications. Et là, le juge peut effectivement vous condamner pénalement, mais vous dispenser de peine. C'est-à-dire que vous êtes... C'est-à-dire on est condamné. Alors, vous êtes condamné, vous payez... Par exemple, François, 2 ans de prison. Alors, la dispense de peine, on va plus la trouver en matière contraventionnelle quand même. Donc, il va payer les frais de procédure que la justice prend, 31 €. Mais par contre, la dispense de peine a un intérêt incroyable, c'est qu'elle évite la perte de points sur un permis de conduire. Donc vous êtes coupable, mais vous ne perdez pas vos points. C'est presque, j'allais dire, l'équivalent de la relaxe, sauf que vous payez vos frais de procédure. Bon, très bien. Incroyable. Et est-ce qu'on peut jouer la montre aussi ? Est-ce que ça fonctionne, ça ? Ça marche très bien. Ça marche très bien, effectivement. Très bien, la contestation d'une amende, qui prend du temps, en tout cas en termes de gestion et de traitement par l'administration. Alors, il y a un délai de prescription, c'est quoi ? C'est un an c'est pour les... un an. Alors, faut pas qu'il y ait d'acte de poursuite, etc., mais c'est un an. Mais en contestant l'amende, vous pouvez en attendant faire un stage. Vous pouvez en attendant recapitaliser votre permis parce que, par chance, les 3 ans sont arrivés et vous remontez à 12/12, par exemple. Et si je conteste et que j'ai, au bout d'un an, j'ai pas de nouvelles ? Vous parlez d'une expérience personnelle, Jean-Luc ? J'ai l'impression, hein, c'est du vécu. Hein. Attention aux faux espoirs. Il y a des actes de procédure qui peuvent se faire sans que vous en soyez informé. Mmh. Hein, donc ça, on le voit lors du passage au tribunal, par exemple. Merci beaucoup, maître. Merci, monsieur. Conservez votre permis, le guide pratique paru aux éditions Le Particulier. J'en ai encore 5 exemplaires, les amis. Donc, top départ, comme tout à l'heure, par mail, auto@rmc.fr. Vite, vous nous envoyez un mail avec toutes vos coordonnées complètes, vos coordonnées postales, bien sûr. Les 5 mails qu'on reçoit en premier recevront ce guide, donc. Et maître, on vous retrouve dans un mois, hein ? Avec grand plaisir. Puisqu'on retrouve maintenant maître Rémi Jossomme tous les mois dans ce rendez-vous dédié à l'automobile. Jean-Luc, on enchaîne et on va découvrir ce nouveau électrique. Label de véhicule d'occasion on va électrique. On acheter un véhicule électrique d'occasion. On a avec nous Grégory Neve qui est directeur de la communication de Nissan West Europe. Bonjour Grégory. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour. On va rappeler un Nissan leader mondial des véhicules électriques. C'est peut-être pour ça que vous avez anticipé un peu. Pour l'instant, le marché du VO est pas très important pour les voitures électriques. Oui, il s'agit de se préparer et d'être proche du consommateur. Il a fallu, avec l'arrivée des véhicules électriques et cette rupture technologique, rassurer le consommateur quand il avait une voiture neuve. Il faut faire la même chose aujourd'hui quand le consommateur va acheter une voiture d'occasion. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce label VO ? À partir du moment où la voiture est labellisée, on est sûr de quoi ? Alors, c'est d'abord la garantie d'avoir une voiture qui a été complètement vérifiée. C'est-à-dire que on va faire naturellement un check de batterie, et ça c'est vraiment important, Et c'est ce que je disais, au début, il a fallu rassurer le client sur la technologie de la batterie. Aujourd'hui, chez Nissan, on est parfaitement sûr de nos batteries. On pense que la voiture sans effet mémoire, la batterie sans effet mémoire a une durée de vie de 10 ans. Néanmoins, c'est vrai pour le consommateur qui achète une voiture neuve. Donc, il faut rassurer le client aujourd'hui quand il achète une voiture d'occasion sur la qualité de la batterie. Là, ça, c'est vraiment important. On a des offres de financement spécifiques. Chez Nissan, on aime être une marque accessible. Ça veut dire quoi une marque accessible? Ça veut dire qu'on a des taux à 0% jusqu'à 5 ans pour acheter sa Leaf d'occasion, par exemple. C'est une sélection rigoureuse, c'est 100 points de contrôle, c'est des voitures qui sont prêtes à laisser et c'est un contrôle gratuit après un mois. Et je terminerai en disant que c'est l'assistance spécifique qui est liée à la garantie. Et là, on a une garantie finalement qui est assez proche de la garantie du véhicule neuf. Est-ce qu'on a des codes d'occasion sur les véhicules électriques? Parce que ce qui est délicat aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arriver à donner une valeur résiduelle aux voitures électriques. Effectivement, ça a été la partie la plus compliquée quand on a mis en place les premières locations avec option d'achat. C'était d'imaginer, on était dans une nouvelle technologie encore une fois, et c'était d'imaginer quelle était la valeur de la voiture au bout de 3 ou 5 ans. Donc nous, on s'est engagé, et c'est pour cette raison-là aujourd'hui que les valeurs résiduelles de voitures électriques, notamment des Nissan, sont particulièrement élevées. On pense aujourd'hui qu'on peut trouver des voitures d'occasion électriques, une Nissan Leaf, à partir de 12 000 euros. D'accord. Et si on avait, si l'ancien propriétaire avait pris la formule, puisque vous proposez les deux formules, achat de la voiture avec la batterie ou location de la batterie, si moi je veux acheter un véhicule d'occasion et que cette voiture avait une batterie qui était louée, est-ce que je peux changer ça ou est-ce que je suis obligé de reprendre le contrat de location derrière? Alors je dirais même qu'il y avait trois solutions chez nous, parce qu'on pouvait soit acheter la voiture complètement, soit acheter la voiture, louer la batterie, soit louer la voiture complètement. Donc on avait trois possibilités. Et la version donc avec location de batterie qui s'appelle Flex, aujourd'hui si on est un client est intéressé en voiture d'occasion pour acheter une voiture qui avait reçu le programme Flex, c'est complètement transparent pour le concessionnaire, c'est complètement transparent pour le client. Nous, on va s'occuper de tout, c'est-à-dire que si la batterie était en location avant, il y a possibilité d'acheter la voiture et la batterie en occasion sans aucun problème. Donc, eh bien voilà, ça y est, le marché naissant des véhicules d'occasion électriques. Merci Grégory. Merci beaucoup. Voilà. On revient dans un instant, Jean-Luc, il est pratiquement 10h moins le quart. Ce qu'il faudra que Renault fasse d'ailleurs, c'est être un peu plus souple, comme le fait Nissan, c'est-à-dire de proposer l'achat de la batterie, par exemple pour les Zoé, en plus de la location. Aujourd'hui, je pense qu'au départ, le choix de la location systématique pouvait s'expliquer par les incertitudes qu'on avait sur la fiabilité des technologies. Aujourd'hui, on est rassuré. Donc, on a l'impression aujourd'hui que c'est un business supplémentaire pour Renault qui, je pense, voilà, je pense, peut-être je pense. Vend un véhicule pas trop cher. C'est vrai que la Zoé n'est pas si chère que ça, mais quand on rajoute, par exemple, 79 euros par mois, sur 3 ans, par exemple, ça fait une somme. Il faudrait qu'ils puissent vendre la voiture avec la batterie. Je pense qu'à mon avis, les offres commerciales vont évoluer dans ce sens-là. Très bien, 10h moins le quart, Jean-Luc, on revient dans un instant et on va s'intéresser à l'actualité de la semaine avec automoto.com et Andy David qui nous rejoint avec un scoop, les amis. Vous aimez Tesla? Vous aimez justement les véhicules électriques? Il y aura une nouvelle Tesla XY ou Z, on ne sait pas d'ailleurs. On va en parler dans un instant. Ça va être annoncé la semaine prochaine. Fin de l'avantage fiscal sur le diesel également. Jean-Luc, 2 secondes, on en parle dans un instant. Hein, oui, voilà. C'est pour faire du teasing, vous savez, c'est super à la mode. Vous savez quoi? Je pense que là, Andy sera là dans une minute et on va pouvoir le retrouver pour faire ce teasing. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, votre auto sur RMC. RMC Basket, le seul show radio 100% basket, c'est Basket Time. Basket Time, Pro A, Pro B, NBA, équipe de France, tout le basket est sur RMC tous les lundis dès 21h avec toute la Dream Team Basket d'RMC. Basket Time, Basket Time, 1h 100% basket, c'est demain 21h-22h sur RMC. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le Figaro Santé Magazine s'intéresse au nouveau mal du siècle, la fatigue. Alimentation, sommeil, mal de dos, maladie de Lyme. Les experts du Figaro Santé Magazine vous donnent tous les conseils pour regagner du tonus. À lire également un dossier complet sur l'audition et un dossier psycho pour aider son enfant à s'épanouir. Le Figaro Santé Magazine, 5,90€ actuellement en kiosque. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Le 19 octobre au cinéma. Je suis pas la loi. Avec RMC. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style est à partir de 149€ par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. À suivre sur RMC, dans un petit quart d'heure après la météo et les infos 10h, vous retrouverez les GG du sport avec Christophe Cessieux en ce dimanche matin. Jean-Luc, on termine donc ce week-end des experts auto avec Andy David, journaliste pour le magazine Automoto. Et l'actualité de la semaine avec... Bonjour Andy. Bonjour Andy. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour. Alors avec au menu, la fin de l'avantage fiscal sur le diesel, la BMW Série 5 qui boycotte le mondial de l'automobile, un comparatif. Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, on a parlé tout à l'heure de l'essai du 3008, on va voir s'il est à la hauteur du Tiguan qui est la référence dans la catégorie. Oui. Et puis bientôt une Tesla, alors on a mis Y, mais c'est peut-être Z, W, oui, XP. Alors, vous savez, normalement il y avait la modèle 3 devait s'appeler E, mais comme Ford avait le modèle E, ils n'ont pas pu l'appeler comme ça. Mais donc ils continuent ça. Andy, vous nous appelez de l'espace sans doute. Vous êtes déjà allé un petit peu plus loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'une fenêtre? Je suis dans l'auto, donc ça va être... Au salon de l'auto. Il n'y a pas beaucoup. Ouais, c'est mieux là. J'ai l'impression que c'est mieux. Alors il ne faut plus bouger, Andy. On reste là. Voilà, je ne bougerai plus. Ouais, donc cette rumeur concernant la Tesla. Alors, l'histoire, c'est que Elon Musk a dit sur Twitter qu'il allait présenter un véhicule inattendu demain lundi. Alors, tout le monde, évidemment, est en recherche pour savoir de quoi il s'agit. Et d'après nous, alors voilà, ça n'engage que nous, ça se trouve, on se trompe complètement, mais ça serait la Tesla Model Y. Donc ça sera un SUV à peu près de la taille d'un petit Q5, d'une BMW X3, quelque chose de ce genre, qui serait nettement moins cher que le Model X qu'on vient de voir. Qui démarre à 110 000 euros, oui. Oui, voilà. Donc là, on serait plutôt dans les 40-50 000 euros avec une autonomie de 400 km. Alors, on n'aurait pas les 700 chevaux du Model X, évidemment. Mais voilà, ça serait là aussi le SUV électrique à portée de beaucoup plus de bourse qu'avec le Model X. De toute façon, c'est la stratégie d'Elon Musk, de taper dans le haut de gamme, de faire une image, Et puis petit à petit, de démocratiser sa technologie, de démocratiser ses véhicules. C'est un petit peu normal. C'est le cas avec le Model 3 qui sortira l'année prochaine, qui sera aux alentours des 30-35 000 euros, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça, exactement. Et puis c'est aussi cette Model Y là, ça serait un peu une surprise parce que normalement elle était attendue pour plus tard. Mais Monsieur Musk a quand même besoin de rassurer un petit peu ses investisseurs qui voient quand même l'argent partir assez vite dans la création de technologie, mais qui ne voient pas encore, retour sur investissement. Voilà. Bon, alors, autre, puisqu'on est dans les SUV, on va rester dans les SUV. Moi, j'ai parlé tout à l'heure du Peugeot 3008 qui est une grande réussite, mais vous l'avez comparé au Volkswagen Tiguan, qui est la référence de la catégorie, et comment s'en tire-t-il ce Peugeot 3008 ? Eh ben pas mal du tout. Ça c'est vraiment la. Alors on n'est pas là normalement pour servir de la soupe aux constructeurs français. Vous savez, des fois on est même un peu méchant avec eux. Peugeot, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de pas mal. Et il est ce 3008, il est nettement au-dessus du Tiguan pour quelques critères, notamment l'agrément de conduite qui est vraiment au-dessus. On a évidemment un design un peu plus moderne, un petit peu moins classique que le Volkswagen, et puis on a une finition quand même plutôt réussie, qui est pas très loin de la référence qui est justement le Tiguan en matière de finition. Voilà, c'est ça. Alors, et en plus, il est moins lourd, plus maniable que le Volkswagen. Donc, pour une utilisation, on va dire en ville, ce qui est quand même la vraie vie de 80% des SUV. Malheureusement. Oui, voilà. On en pense qu'on veut, mais en tout cas, c'est dans les faits, c'est ce qui arrive. Franchement, le 3008, il n'y a pas de raison de. Oui, surtout, qu'il est beaucoup moins cher que le Tiguan à finition équivalente. Voilà. Évidemment. Donc, reste à voir sur la durée, hein, ce que ça va donner, notamment sur fiabilité, service après-vente, etc. Bon, ça, c'est les trucs habituels. Mais là, tout de suite, si on me demandait, si on demande équipe d'automoto, le 3008, s'impose au Tiguan. Sacrée performance. Et plusieurs avis qui convergent, donc c'est quand même pas non plus quelque chose qu'on dit de manière. Oui, à la légère, ça c'est clair. À la légère, voilà. Vous êtes sur le mondial de l'auto là en ce moment, donc j'imagine que vous êtes allé chez BMW voir la série 5 et à surprise, et patatras, n'y est pas. Je l'ai cherché, puis je l'ai pas trouvé. Alors, ça c'est quand même étonnant. Un constructeur qui lance un nouveau modèle. Alors qu'il y a un salon international qui se déroule et la voiture n'y est pas. C'est quand même fou. Ah oui, je vous avoue que sur ce coup-là, un, on s'y attendait pas. Et deux, c'est quand même encore une fois une petite claque supplémentaire au mondial qui en a pas besoin parce qu'il a déjà, subi ces derniers temps quelques défections. Assez importante et il risque d'y en avoir d'autres. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure dans le journal avec PSA qui dit que dans ces conditions-là, le mondial ne perdurera pas. Toyota dit la même chose. Donc on imagine que si BMW n'a pas présenté la série 5 au mondial de l'auto, c'est qu'ils pensent un peu la même chose. C'est un peu triste. Hein, c'est un peu triste. Est-ce qu'il y a du monde d'ailleurs ce matin? C'est paradoxal quand même parce qu'ils sont présents. BMW. Oui, ils sont présents. Mais le dernier dimanche, vous pensez quoi? Ouais. Alors, dernier sujet, fin de l'aventure. Fiscal sur le diesel, ça va arriver, et surtout rééquilibrage de la fiscalité entre l'essence et le diesel pour les entreprises, ça c'est important. C'est ça, c'est encore une pelletée de gravier sur le cercueil du diesel qui commence à être bien enfoncé. Là l'idée c'est donc c'est Delphine Bateau qui a fait un rapport au nom. Il y a 120 propositions. Moi, je les ai toutes lues. Hein, j'ai lu tout le rapport. Il est relativement long. Et sur les 120 propositions, il y en a 60 qui sont vraiment pleines de bon sens. Je dis pas que les autres sont mauvaises, mais il y en a 60 qui mériteraient d'être appliquées tout de suite parce que c'est réellement du bon sens. Et en particulier, ce rééquilibrage de la fiscalité. Alors, Ségolène Royal en a aussi parlé cette semaine. Elle a parlé de la récupération de la TVA qui va progressivement être la même entre l'essence et le diesel pour les entreprises, hein, c'est 20% je crois l'année prochaine et 80% l'année suivante pour les véhicules particuliers. Ça permettra aux entreprises de ne plus avoir cette monoculture du diesel, hein, plus de 90%. C'est au-delà de 90%, et surtout, alors que la totalité des ventes automobiles là, en ce moment, on est passé à 51% de diesel et 49% d'essence en septembre, ce qui est quand même on est loin des 73% de 2012. Donc il y a une vraie prise de conscience. Alors maintenant, on est en train de faire les petits avantages fiscaux qui vont bien pour essayer d'en encourager dans cette direction, et notamment les entreprises, parce que effectivement, les voitures de parc, les voitures d'entreprise que vous voyez partout dans la rue, il y a 90% de diesel, et si on veut vraiment lutter, ou en tout cas vraiment s'attaquer à ce type de moteur, c'est par là que ça passe, c'est par l'entreprise. Ouais, c'est vrai que les entreprises achètent aujourd'hui la moitié des voitures vendues sont des ventes diesel, des ventes non mais la moitié des voitures vendues sont des ventes aux entreprises. Ah oui. Pour vous rendez compte, ça représente 50%. C'est énorme. Grosso modo, il y a 2 millions de voitures vendues en France, il y a 1 million de voitures qui sont vendues aux entreprises. D'accord. Et sur ce million, la part de diesel, elle est d'environ 90%. Ça veut dire que si demain on rééquilibre la fiscalité entre essence et diesel, alors d'une part à la pompe, elle va se rééquilibrer, ça y est, c'est déjà programmée, elle va se rééquilibrer progressivement. Mais si en plus la fiscalité pour les entreprises, c'est-à-dire la récupération de la TVA sur le carburant, est identique entre l'essence et le gasoil, ça ne veut pas dire qu'on va tuer le gasoil. Mais en tout cas, on va rééquilibrer les forces. On va rééquilibrer, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement artificiel. Les 90% de véhicules de société en diesel, ça ne correspond pas à la vraie demande, aux vrais besoins des entreprises. Qui a besoin d'un diesel? Vous avez besoin d'un diesel pour celui qui est un gros rouleur, qui va faire beaucoup de kilomètres. Celui qui fait du porte-à-porte, ça n'a pas besoin d'un diesel. Et pourtant, aujourd'hui, ils roulent en diesel parce que la fiscalité est tellement avantageuse pour les entreprises que le gars qui fait les comptes à la fin du mois, il a pratiquement pas d'autre choix. Donc, ça c'est un grand signe. Ça veut dire que là, les pétroliers, comment réagissent-ils Les pétroliers, ça les intéresse. Les pétroliers, ça les intéresse, parce qu'aujourd'hui, en France, on a un déséquilibre. On consomme 80% de gasoil à la pompe. Ça veut dire que nos raffineries ne peuvent pas produire tout ce gasoil. Alors, on est obligé d'importer du gasoil qu'on paye cher et d'exporter de l'essence qu'on a en trop. Si demain, on rééquilibre le marché, on va pas passer tout de suite à 50-50. Mais en admettant qu'on passe à 60-40, 60 diesel et 40 essence, les pétroliers vont pouvoir rentabiliser leurs investissements, les investissements lourds qu'ils ont fait dans les raffineries françaises, et vont pouvoir gagner un peu d'argent. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les marges sur le raffinage sont pas très très importantes. Ça veut dire qu'on va pouvoir pérenniser la fabrication de carburant en France. C'est quand même important de conserver des raffineries. Bien sûr. Merci beaucoup Andy et merci bon mondial Andy. De l'auto. Oui, bonne visite. Rappelons que c'est le dernier jour du mondial de l'auto. C'est le dernier jour du mondial de l'auto qui va fermer ses portes ce soir sur un bilan qui malheureusement assez mitigé, mitigé. Ouais. Pour rester poli. Jean-Luc, on sera là dimanche prochain, 8h-10h sur ça, RMC. C'est possible. On parlera aussi du 3008, mais on parlera du 3008 diesel. Très bien. Très bon dimanche avec dans un instant Christophe Cessieux qui vient d'arriver dans ce studio pour les GG du sport. Salut Christophe. Et bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Forme, je vois. Ça va bien. Impeccable. La journée s'achève, vous allez faire une petite sieste maintenant. Vous allez où tu vas finir On va aller se coucher parce qu'on arrive de boîte de nuit avec François. Ah ben oui. En fait, il dort après sur les moquettes des stands du mondial de l'auto. Christophe, on parle de quoi dans un instant? On va parler de football avec Roland Courbis et Jean-Michel Larquet, puisque ce soir, l'Olympique de Marseille disputera son dernier match sous l'ère Louis Dreyfus, 20 ans passé sous la direction de cette famille. Ouais, c'est une grande page qui se tourne pour l'Olympique de Marseille. Enfin, grande page. Les supporters ne sont pas vraiment convaincus. On va tenter de faire le bilan justement de cette ère Louis Dreyfus. Et puis ensuite on parlera des championnats du monde de cyclisme qui se déroulent à Doha dans le désert. Voilà les GG du sport dans un instant. Moi j'aurai le plaisir d'être là le week-end prochain sur RMC. Portez-vous bien et bon dimanche. RMC 10h-13h, les grandes gueules du sport. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonne nouvelle, dès demain, je vais faire gagner à trois d'entre vous chaque matin un 13e mois de salaire sur RMC. 2000 euros tous les matins dès 6h. Je vous donne rendez-vous dans Bourdin Direct sur RMC. Du 8 au 18 octobre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation, crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Credit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Naimic est la solution audio 3D reconnue des gamers. Déjà présent dans les ordinateurs MSI de dernière génération, Naimic vous assure des performances sonores inégalées et une immersion totale dans vos jeux. Suivez-nous sur Facebook et venez nous rencontrer sur le stand MSI à la Paris Games Week du 27 au 31 octobre pour expérimenter vous-même la qualité des sons sur plusieurs jeux. Demain à 20h50 sur RMC Découverte, ne ratez pas les bonnes occasions. Jerry dégote les meilleurs. Aurélien les répare dans les règles de l'art. Un nouveau duo d'experts qui offre une nouvelle jeunesse aux voitures vintage. Wheeler Dealers France, c'est demain, dès 20h50, sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Allô Marie, devine où je suis. En Papouasie. Mais non, en ce moment c'est le. C'est le plus beau jour de ta vie. Presque. Il y a des appels partout, les derniers modèles et des offres exceptionnelles à ne pas rater. Ah, le salon de l'auto. Voilà. Et du coup, devine où je suis pour en profiter. Bah au salon de l'auto. Eh ben non, chez mon concessionnaire Opel près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 €. Oui, 7 690 €. Avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. Allez, tout de suite, des nouvelles de la couleur du ciel avec Valentin Maillot, c'est la météo. Bonjour Valentin. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et des averses sur le nord-ouest, du soleil ailleurs, c'est la photographie de ce dimanche côté météo. Ces averses qui tombent en ce moment sur les pays de la Loire et la basse Normandie et qui vont s'étendre sur la haute Normandie et les Hauts-de-France cet après-midi. Toujours avec ce vent qui souffle en rafale jusqu'à 60 km/h, principalement sur les côtes. Ailleurs, il fera donc globalement beau aujourd'hui, du nord-est aux Pyrénées et en Méditerranée, mais le vent pourra amener localement des averses quand même cet après-midi sur le golfe du Lion. Demain, une nouvelle perturbation va balayer le pays avec des nuages et des averses sur une large partie est du pays. Les températures cet après-midi, elles sont au-dessus des normales de saison avec 17 degrés à Brest, 18 à Nantes et Strasbourg, 19 pour Lille, 20 degrés à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand. Il fera 21 degrés à Nice, 22 à Marseille, Bordeaux et Toulouse et 23 degrés à Ajaccio. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, cyclisme, championnat du monde sur route homme et rugby, coupe d'Europe, UBB Ulster. 15h, football Ligue 1 Rennes-Bordeaux, suivi à 17h de Saint-Étienne-Dijon et à 20h45 de Marseille-Metz. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC, il est tout juste 10h, dans un instant le début des grandes gueules du sport, mais en attendant, c'est l'heure des infos que vous présente Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'était apparemment une soirée entre étudiants qui s'est terminée en drame hier soir à Angers. 4 morts dans l'effondrement d'un balcon au 3e étage d'un immeuble, une dizaine de blessés. Écoutez les précisions d'Anita Régnier, directrice de communication au CHU d'Angers. On déplore 4 décès et nous avons accueilli au CHU 9 patients. Il n'y a pas d'urgence vitale. Les patients sont pris en charge. Les familles des personnes hospitalisées également. Voilà, et l'identification des 4 personnes décédées est en cours. Anita Régnier, jointe ce matin pour RMC par Lucille Huguet. Les victimes seraient des jeunes, selon Ouest France. 20 ans à peu près, ils fêtaient une pendaison de crémaillère. Une enquête est ouverte. L'immeuble était pourtant récent. Faut-il renoncer à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? C'est en tout cas l'avis de Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement s'exprime dans le journal du dimanche. Mieux vaut arrêter les frais, je cite. Ségolène Royal redoute une évacuation par la force. Elle suggère même un aménagement de l'aéroport actuel de Nantes.